Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue au 8e chapitre de Histoire de Gamer. Avant de commencer, je veux rappeler à tout le monde que cet épisode et les prochains épisodes vont se retrouver maintenant sur le site de Facteur Geek. Donc, allez pas sur... Ben, pour celui-là, vous pouvez aller sur le CGUAP pour le trouver. Pour les prochains... vous allez devoir aller sur le site de Facteur Geek. Quand vous allez voir dans la section podcast en haut, il va avoir un onglet pour Histoire de Gamer. Puis il va aussi avoir un nouveau fil RSS là, pour vous abonner par iTunes. Donc regardez le compte de CJOP sur Internet ou mon personnel là, qui est Ascalazormo. Puis quand le nouveau fil RSS va être actif, je vais vous le donner pour que vous puissiez vous abonner à travers iTunes. Donc, aujourd'hui, mon invitée est une fille plutôt occupée. Elle a plusieurs projets qui sont en branle. Un que plus connu, un autre très connu, c'est Lynn Boutillette. Salut, Lynn! Salut! Fait que Lynn, comme je disais, t'as vraiment trois projets qui te tiennent à cœur ces temps-ci. T'as Geekbécois, que ça fait déjà une couple d'années que ça fonctionne. Mm-hmm. T'as Web et Mascara, que tu as parti, qui est un site pour les filles faites par toutes par des filles. Oui. Puis tu fais partie aussi de la gang de Monsieur Net. Yes, yes. Et très fière aussi. Oh, et très fière, oui. Et maman de deux enfants, dont un qui pleure présentement. C'est correct, ça fait partie de la game. Deuxième maman Steve s'en occupera pour aujourd'hui. Exactement, exactement. Il fait confiance, je pense. T'es sûr? Je sais pas. OK, on verra ce que ça donnera. Fait que Lynn, Geekbécois. Oui. Ça fait un petit bout que ça roule. C'est probablement, j'imagine, un de tes premiers projets qui t'a fait découvrir le podcasting et ces choses-là. Comment ça s'est passé? T'es-tu là depuis le début ou t'es embarqué à un moment donné? Conte-nous ça un peu. Ben non, moi je suis pas là depuis le début. Moi je suis embarqué, ça va faire un an. Ben ça a fait un an, c'est-à-dire que je suis dans l'équipe de Geekbécois. Puis moi c'est drôle parce que tout qu'est-ce qui est mes projets en tant que tel, ça a pas mal tout parti par Twitter. Moi Twitter a été une révélation incroyable dans ma vie parce que quand je suis embarqué là-dedans, je me suis mis à suivre. J'ai toujours été une tripeuse de gaming, de choses geek et ainsi. Donc, je me suis mis à suivre tout ce qui était soit pas site québécois, qui était connu, là, plus ou moins. Et à un moment donné, je suis tombée sur le Twitter de Geekbécois. Puis, je me suis intéressée, j'ai regardé leur site. Puis, Steve, il connaissait déjà justement le site. Et à un moment donné, ils ont cherché des nouveaux chroniqueurs pour écrire sur Geekbécois. Puis moi, j'ai toujours aimé écrire dans la vie. Puis sur le gaming, pourquoi pas? Et je cherchais des chroniqueurs de PS3 qui, on en parlera plus tard, mais ma console là, que je préfère dans cette génération-ci. Mm-hmm. Fait que là, moi, j'ai dit, bon, ben, good. Je leur ai écrit à ce moment-là et j'ai eu une réponse. Ben, c'est-à-dire, il faut dire, parce que si ma gang de Geekbécois qui vont écouter, ils vont savoir, ils vont pouvoir le confirmer que j'ai un petit peu demandé de faire partie de l'équipe. Là. Moi, quand je veux quelque chose, je peux exagérer facilement. T'es-tu comme dans Land, dans Shrek, le pick me. Okay. C'est à peu près ça. Okay. Je leur ai envoyé je sais pas combien de messages que une fois que j'avais envoyé ma candidature, ma demande de candidature, rendu là, je leur ai envoyé des emails back à back jusqu'à temps qu'ils me prennent. Fait que je pense qu'ils se sont dit, elle est vraiment fatigante, on va apprendre. Et je suis embarquée le projet, mais au moment qu'on est embarqué, il n'y avait pas de podcast. Ça n'existait pas, le podcast des Geekbécois. Ouais. Moi, j'ai écouté énormément de podcasts à partir du moment, encore là, par Twitter, parce que je connaissais plus ou moins les podcasts à ce moment-là. Par Twitter, là, je voyais écouter notre podcast. Fait que là, j'étais comme, mon Dieu, il y a de quoi qui se passe, là. Alors, je me suis mis à écouter Radio Talbot, évidemment, l'Analyse des Geeks, My Gamers à ce moment-là, mm-hmm. Puis, bon, et ainsi de suite, plusieurs autres, mais ça a été l'Enduka aussi. Tu sais, je me suis mis à écouter les gros qui étaient populaires à cette époque-là, mm-hmm, et qu'il y en a qui le sont encore ou qui ont changé, whatever. Puis, fait que je me suis mis à écouter ça et je me suis dit, Geekbécois, ce qui est quand même une grosse équipe, c'est quand même un site... assez reconnu quand même au Québec côté geek. Je me suis dit, comment ça qu'on n'a pas de podcast? Et moi, j'ai toujours trippé sur la radio et c'est encore mon rêve de faire de la radio un jour. Mm-hmm. Et je me suis dit, ben ça serait le fun d'essayer. Moi, j'ai proposé justement à ce moment-là à Koy, qui s'occupe de Geekbécois, d'avoir un podcast et que j'en sois l'animatrice, parce que ça, c'est moi. Moi, j'aime ça animer. Je prendrai pas ta place aujourd'hui, Luc, mais j'aime ça. Donc, à ce moment-là, on a parti ça. Et il faut dire, par exemple, qu'on a été plus ou moins constant dans nos nombres d'épisodes, là, les gens qui nous suivent, parce que, bon, plusieurs raisons, because of reason, mais bon, moi, on a eu notre deuxième enfant, on a été entrecoupé par des changements sur Geekbécois aussi. Alors, on a été plus ou moins constant, mais on essaie, on travaille fort pour remettre ça en branle et pouvoir sortir vraiment un épisode par mois, parce que c'est ce qu'on fait. Ouais. Ben, avec une gang, parce que vous êtes quand même une grosse gang quand vous faites le podcast de Geekbécois. Vous êtes quoi, 5, 6? Ben, là, on essaie de réduire un petit peu. On essaie d'être, 5. Ça serait pas mal notre chiffre, là, qu'on maximum. On peut être moins. Mais 5, c'est pas mal ce qu'on aime, parce qu'on essaie de varier. Étant donné que sur Geekbécois, on parle de plusieurs choses, que ce soit Alexandra avec le cinéma, que ce soit Laurent qui est beaucoup plus techno, qu'il y a Steve, que c'est juste Steve. ça résume bien, oui. Ça. dans le fond, on essaie de pouvoir varier au niveau du podcast. Et moi, l'animation, moi qui vais parler plus de gaming, on essaie de varier. Fait que c'est pour ça qu'on essaie d'être 5 et d'interchanger les chroniqueurs, parce que aussi, on trouve ça intéressant. Étant donné justement qu'on est une grosse gang dans Geekbécois, ben on essaie d'intégrer tout le monde au podcast qui sont intéressés, bien sûr, parce que c'est pas tout le monde non plus que ça leur tente de faire du podcast automatiquement. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est plus dur. Puis nous, ce qu'on aime aussi, c'est de se rencontrer pour le faire. Et comme tu sais, Luc, on habite loin. Oui, on peut se pitcher des roches. C'est ça, oui. Et on habite assez loin de notre gang de Geekbécois, qui sont pas mal toutes à Montréal. Oui, okay. Fait que ce qui arrive, c'est que c'est plus compliqué pour nous à ce moment-là. Avant, ce qu'on aimait, c'était d'aller dans des places, que ce soit des restaurants ou si c'était sur... des restaurants, qu'est-ce que je dis là? Plus des places geeks. Mm-hmm. Que ce soit, on a été chez Geeks, on a été au Mangoté aussi pour faire une émission de Geekbécois. On aime ça aller à des places, rencontrer des gens, rencontrer les propriétaires, et ainsi de suite. Et ça donne un petit coup de promo pour eux. Et en même temps, nous, ça nous fait découvrir des places et découvrir des places aux auditeurs aussi. Mais là, dernièrement, c'était un petit peu plus compliqué. Fait que là, les trois derniers, je pense qu'ils ont été faits à la maison ici. Les gens ont été... ils se sont pris des billets d'avion. Ils sont venus nous rejoindre à Saint-Zotique. Saint-Zotique Beach. Beach, ben, by the beach. By the beach. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Fait qu'ils sont venus à la maison. Mais là, on devrait recommencer à aller à différentes places prochainement, là, le mois prochain, là. Mois okay. d'août, parce que là, il passe vite. Fait que je pense que mois d'août, ça va passer go. Ça va être septembre, mais bon. Oui, le mois d'août est déjà pas mal avancé. On est à moitié du mois. Presque. Ouais, mais non. C'est ça que je disais, parce qu'une gang, quand vous êtes 5 sur un podcast, c'est de mettre tout le monde ensemble, tu sais, que tout le monde soit disponible la journée que vous décidez de le faire. C'est un exploit en tant que tel. Oui, c'est ça. C'est pas évident. Puis Steve, c'est sûr aussi, il y a un travail de montage qui est fait, parce que nous, on a un fun fou juste à faire les montages. Steve, c'est un pro de jingle, là. Il a du fun à faire ça. Il perd beaucoup, beaucoup de temps à faire ça, mais il aime ça. Et on met tout le temps des bloopers aussi à la fin des shows que moi, je trouve hilarant. Sûrement, c'est drôle, parce qu'à chaque fois que j'écoute ça, je me dis, le monde, ils doivent tellement trouver ça drôle parce qu'il était pas là. Mais pour nous qui fait le podcast, c'est tellement des souvenirs incroyables de se dire, hey, c'est vrai, ça s'était passé, ainsi de suite. Fait que c'est pour ça aussi qu'on met, c'est un cadeau, c'est un plus qu'on met aux auditeurs. Ouais, c'est le fun. Puis je pense que vous êtes pas mal les seuls à faire ça. Fait que ça démarque aussi. Hein. Puis quand le show est fini, ben le show est pas fini. Fait qu'il faut continuer à écouter un petit peu plus encore. Exact. OK. Fait que là, Geekbécois, c'est ça. Là, j'ai commencé à... Quand j'ai embarqué dans l'équipe, je me suis mis à écrire. Là, j'ai laissé un peu ça de côté parce que j'ai parti des projets parallèles. Là. Mm-hmm. Fait que j'écris moins présentement, mais je me suis pas mal plus investi dans le podcast. Puis là, ben, je vais m'y remettre à l'écriture, beaucoup plus de critiques de jeux, ainsi de suite. Mais ça reste que... Moi, je le dis, c'est comme ma maison. C'est là que j'ai parti Geekbécois. Donc, j'essaie de me dire que n'importe quel autre projet que je vais aller, j'aimerais ça toujours garder un petit pied à terre avec Geekbécois, parce que pour moi, c'est de là que tout a parti. Tu sais, c'est un peu... tu sais, on reste attaché à nos sources, à nos bases, puis c'est là, c'est Geekbécois. Donc, à ce moment-là, j'essaie de toujours participer un peu. C'est sûr que j'ai... plus de difficultés à y arriver, à être autant impliqué que je l'étais au début. Mm-hmm. Mais quand même, j'aime beaucoup l'équipe et Je les aime bien. Oui, mais c'est une belle gang. C'est un podcast qui est le fun à écouter aussi. Puis c'est toujours un site où il y a des affaires intéressantes à aller lire. Parce que des fois, ils vont sortir une nouvelle, puis c'est quelque chose que tu n'avais pas vu ailleurs, quelque chose comme ça. C'est... Moi, je trouve ça super intéressant. Là. C'est un des sites que je vais visiter souvent, puis c'est un des podcasts que, mais quand il y en a, j'essaie de les écouter. Oui, c'est ça. Non, mais là, tu vas voir l'année prochaine. Ben, en tout cas, à partir de là, à partir de septembre, là, tu vas capoter. Ça va pleuvoir. C'est merveilleux. Parce que le dernier, t'es vraiment. T'es excellent pour les sujets, tout. Mais la nouvelle chronique de Steve, là, c'était. Ouais, le moment de Steve. Ouais, ouais, le moment de Steve. On voit qu'est-ce que ça peut être quand Steve a un moment. Et les prochains, ça va être quelque chose aussi, là. Pour les gens qui ont écouté celui-là, Steve a plein d'idées. Ce sera. Tu sais, on lui a donné un moment à lui parce que Steve est unique en son genre. Steve et Steve. C'est ça, exact. Et on voulait justement y donner, mettre un, parce que Geekbécois, je trouvais, il y a un côté qu'on est sérieux, peut-être, mais on est comme entre les deux, tu sais. Mm-hmm. On est semi-radio-can, semi, mais tu sais, manière de dire, là, semi-sérieux, puis semi, on se laisse aller. Puis on voulait avoir vraiment une bulle, dans le fond, qui cassait complètement le rythme sérieux. Et on s'est dit, qui de mieux que Steve pour casser un rythme? Alors, je sais pas si c'est un compliment ou c'est un peu sa clôture. Bon, c'est pas grave, c'est moi qui vais avec. Je vais l'assumer. Okay. Mais c'est ça. Fait que, puis les prochains, il y a plein d'autres idées complètement folles qu'à chaque fois, je suis comme, t'es-tu sûr? Puis finalement, moi, je ris tellement de ces niaiseries que ça l'encourage encore plus. Okay. Et quand tout le monde, il dit, ah, oh, c'est tellement drôle, ça l'encourage juste beaucoup plus. Donc, c'est moi qui souffre à la maison pendant que ces idées... naissent et poussent. Okay. Alors, c'est quelque chose. Fait que la pire affaire que quelqu'un pourrait dire à Steve, c'est « t'es pas game ». Et boy, faites pas ça. OK, fait que... avis à tout le monde, dites pas à Steve de faire ça, t'es pas game, parce que vous allez l'avoir en face. Aïe, ça m'a été peur. Bon, fait que Geekbécois, ça a été ton premier projet. C'est un peu là que t'as... Ben, c'est pas un peu. C'est là que t'as commencé à goûter un peu à ça. Après ça, t'as parti un site que moi je trouve qui est vraiment le fun, même si ça s'applique pas toujours à moi étant un homme, mais il y a quand même des critiques de cinéma, puis il y a quand même des choses assez intéressantes. J'ai vu des recettes, puis même si je suis un gars, puis je fais à manger un peu, je mange. Fait que des recettes c'est toujours intéressant, mais c'est Web et Mascara. Ouais. Moi je trouve que c'était une super bonne idée. Ça a commencer comment ce projet-là, puis explique-nous un peu ce que c'est en même temps pour les gens qui ne connaîtraient pas ça. D'accord. Ben en fait, ça, c'est, je l'ai parti au mois de novembre. C'était un soir que je, justement, moi, je suis tout le temps en recherche de projets que soit ont jamais été faits ou il n'y en a pas présentement. Tu sais, ben, anyway, c'est ça qui fait que ça fonctionne aussi. C'est pas en faisant tout ce que les autres font qu'on réussit à se démarquer dans la vie. Là. Puis à ce moment-là, ben, ça faisait un bout que je disais, c'est plate parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de projets québécois de filles, uniquement de filles. Que ce soit un podcast, il n'y en a pas. Que ce soit un site internet, à ce moment-là, il n'y en avait pas vraiment québécois proches de nous. Parce qu'en France, il y en a, j'en ai vu quelques-uns, il y a des blogs qui sont faits par des filles. Ou souvent, c'est un projet que c'est une fille, elle se part un blog, elle poste ses petits articles, et qui est super bon aussi, que j'apprécie, mais j'ai une grosse équipe, une équipe bien formée avec un concept, il n'y en avait pas à ce moment-là. Puis j'ai parlé à Alexandra, qui est une de mes bonnes amies sur Geekbécois. Et à ce moment-là, c'est un samedi, j'ai dit à Steve, « Hey, ça serait cool, faudrait trouver un nom. » Alexandra a dit, « Ouais, j'embarque, tu sais, si on part de quoi, on pourrait partir ça ensemble. » Puis ce soir-là, j'ai écrit, on a trouvé le nom Web et Mascara. Le même soir, le domaine était acheté. Et ça, c'est moi, ça. Une petite bulle qui passe des fois. Et j'ai envoyé sur Twitter... une demande que je demandais à ce moment-là des chroniqueuses, des filles intéressées à écrire sur un site. Mais c'était plus ou moins précis. T'sais, c'était vraiment un nouveau projet de filles. Écrivez-moi si vous êtes intéressées à écrire, whatever. Je me rappelle pas exactement c'était quoi mon texte que j'avais écrit à ce moment-là. Mm-hmm. Et mon tweet. Puis je l'ai envoyé. Et à ce moment-là, le lendemain, au compte total, j'avais 33 filles qui m'avaient écrit. Fait que c'est là que j'ai fait, OK, il y a quelque chose, on a quelque chose. Il y a des intéressés. Exactement. Puis dans le fond, la première semaine et demie à peu près, on a posté pas mal, moi puis Alexandra. Ce qu'on essayait de faire, c'était dans chacune des catégories, parce qu'on a plusieurs catégories sur le site. Dans chacune des catégories, on essayait d'écrire au moins un post, parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire de partir un site, l'annoncer, puis qu'il y a à peu près rien sur le site. Donc, tu sais, dans les catégories, on a cinéma, on a musique, on a mode et vie qui inclut justement cuisine, ainsi de suite. Mm-hmm. On a, bon, geekerie, parce que ça reste que moi puis Alexandra, on est... ben, Alexandra, malgré les apparences, c'est pas mal plus geek que moi. Okay. Mais bon, c'est ça, ainsi de suite. On a les sorties aussi, puis ainsi de suite. Et on a essayé de poster un petit peu. Et après, on a demandé aux filles qui étaient intéressées de nous envoyer des articles, ainsi de suite. Et on s'est formé, en très peu de temps, une équipe de 14 filles, qui est quand même intéressante. Quand même assez grosse, hein, ouais. Ouais, c'est quand même bien. Et... puis dans le fond, c'est ça. Notre but, évidemment, c'est d'écrire sur pas mal tout. Là, en septembre, il va y avoir vraiment beaucoup de changements sur Webmascara, que ce soit le look, parce qu'on va changer le look du site que j'adore présentement, mais on veut le mettre plus actuel, parce que je trouve que ça se démode vite, un blog. Puis les modes changent extrêmement vite aussi. Mm-hmm. Donc, on va changer ça. Le logo reste quand même, parce que le logo, je l'adore, mais... Puis, on va changer aussi une couple de catégories. On va simplifier ça. On va amener ça à ce que les lecteurs soient... que ce soit plus facile pour eux de se retrouver aussi, parce que ce qui est important pour nous, c'est de donner un... On va donner un genre d'horaire, que ce soit... Là, c'est pas encore complètement spécifique, mais on l'expliquera à la rentrée de Webmascara. Que ce soit, mettons, le lundi, on va parler de musique, le mardi, on va parler de cinéma, ainsi de suite. Donc, les gens qui sont intéressés plus au cinéma pourront venir le mardi et il va y avoir des nouvelles sur le cinéma, ainsi de suite. Okay. Alors, on va spécifier ça un petit peu plus. Puis, il y a des nouvelles filles qui vont rentrer en septembre aussi. C'est 4 ou 5 nouvelles filles qui vont rentrer. Parce qu'évidemment, dans un blog, il y en a qui quittent, il y en a qui s'impliquent plus, il y en a qui ont moins de temps, ainsi de suite. Ça bouge beaucoup, là, et j'en fais partie, comme je parlais tantôt dans Geekbécois, que j'écris moins, donc il y a d'autres mondes qui sont là pour remplacer le temps que je leur fais perdre, mais... que t'as pas le temps à mettre, finalement. Exactement. Fait que là, sur 14, on va peut-être... En tout cas, on va peut-être être 17, là, maintenant, dans l'équipe, et on va essayer de fournir toujours autant d'articles pour le plaisir de tout le monde. Puis, un jour, peut-être, dans mes rêves, j'aimerais partir, avoir le temps. C'est toujours ça, parce que moi, je voudrais partir trop d'affaires en même temps. Un podcast de Webmascara. Ouais, c'est ça, j'allais te demander. C'était parce qu'au début, t'as comme effleuré le sujet, tu sais, mais ça rentrait dedans. Fait qu'un podcast de Webmascara, c'est quelque chose qui t'intéresserait. Ah, oh, j'aimerais vraiment ça. C'est vraiment mon but. C'est sûr que ça demande du temps. À ce moment-là, c'est sûr que ça serait sûrement par Skype, parce que là, je tripe beaucoup sur le concept de Geekbécois, de se rencontrer, mais c'est exigeant. C'est dur de coordonner les horaires de tout le monde. Ouais. Fait que là encore, ça serait compliqué, mais oui, j'aimerais ça, faire un podcast de Webmascara. C'est dans les plans. Là, on essaie pas mal de s'intégrer, de prendre notre place au niveau des blogs de filles. C'est vraiment ça notre but. On est invité dans plein de choses. On est invité dans les lancements, on est invité dans des premières de films. On a des choses, on est de plus en plus reconnus. On reçoit des livres à critiquer, on reçoit des jeux de société aussi, parce qu'on a ajouté ça à critiquer. Donc ça, c'est super cool, et on prend plus en plus notre place. Donc on veut premièrement établir comme il faut notre site, puis après, c'est sûr que j'aimerais ça faire un podcast. Comme je l'ai dit au début, moi, mon rêve, c'est de faire la radio. Donc, dès que j'ai la chance d'avoir un micro d'en face, je le prends. Puis, fait que... ouais, puis si personne t'en donne un, tu t'en mets un en face. Ben, exactement. Je t'avais de m'en intégrer un, toujours. T'as tout le temps parlé avec un speaker. Mais non, c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment dans mes buts de pouvoir le faire. Un peu d'être complémentaire au site, mais toujours en faisant rouler le site aussi bien. Ben, en tout cas, le mieux qu'on peut. Là, c'est vraiment ça notre but. Non, c'est super intéressant. C'est sûr, ça serait le fun, parce que ça serait vraiment un podcast qui s'adresserait plus aux filles que la plupart des podcasts. Je dis pas que la plupart des gros podcasts présentement, c'est du gaming, des affaires comme ça, puis c'est souvent animé tout par des gars, ou il y a souvent une fille dans l'équipe, mais tu sais, c'est vraiment gaming, un podcast qui s'adresse vraiment aux femmes, puis qui va parler, je sais pas, de d'autres choses qui intéressent les filles aussi. Je dis pas, je veux pas stéréotyper en disant les filles, c'est tout le temps. Tu veux que ça parle de maquillage, non, non, de bouffe, c'est ça. là, c'est pas vrai. Il y a d'autres sujets que ça, mais tu sais, des films qui touchent plus peut-être les filles, tu sais, des... Ben, des... puis encore là, tu sais, c'est ça, quand j'ai parti Webby Mascara, parlant de cinéma, moi, je suis pas une fille qui écoute des films de filles, mais pas du tout. Et je trouvais ça intéressant d'avoir, que ce soit n'importe quel film qu'on écoute, qu'on puisse donner notre opinion quand même. Mm-hmm. Tu sais, sur Webby Mascara, je pourrais parler du UFC, mais donner mon opinion à moi pareil, côté fille. Puis je vais peut-être avoir exactement la même opinion qu'un gars, finalement. Mais c'est vraiment, on voulait pas se limiter dans les sujets. C'est sûr qu'on essaie de parler plus de sujets de filles, parce que c'est le concept aussi. Mm-hmm. Mais il reste que là, une des filles, en tout cas, c'est en branle tranquillement, mais une qui va peut-être embarquer avec nous, c'est une fille qui parle de sport, qui va parler de sport. Mais en fille, tu sais, je veux dire, c'est une fille que, mais bon, ça reste que on peut parler quand même de tout, on se limite pas. Et je suis surprise aussi parce qu'on a beaucoup de filles qui écoutent qui lisent le site, mais on a énormément de gars aussi, puis ça serait aussi intéressant parce que les gars, ils nous écouteraient peut-être en secret, mais ils nous écouteraient, je suis certaine aussi, parce que on peut quand même, je pense que tous les gars sont quand même curieux d'en apprendre un petit peu plus, et surtout Max Tremblay qui me l'écrit tout le temps, qu'il essaie d'apprendre au travers de Web Mascara un petit peu plus sur les femmes, et on essaie de le guider. Bonne chance, Max. Mais oui. C'est ça. Fait que oui, un jour, peut-être, un podcast, c'est dans mes idées. En tout cas, ça dort, mais ça dort pas loin, par exemple. Il est bien proche, le projet. Oui, c'est ça. Parce que c'est le montage, puis c'est tout ce qui est alentour du podcast qui est à faire aussi. Mais je veux dire, si t'aimes ça, faire ça en plus, ou t'as quelqu'un pour le faire pour toi, c'est quand même une bonne chose. C'est ça, c'est sûr que moi, j'ai mon monteur à la maison, mais on s'entend que là, en plus que Steve, ben là, on parle de d'autres choses, mais Steve, il est embarqué dans le projet aussi de Fun Jouer Jeu, fait que c'est ça. Fait que on est tous dans un paquet de projets de vie, et on est une famille aussi, donc on verra, tu sais, ça va se placer. Quand on veut quelque chose dans la vie, on réussit à trouver du temps. Ouais, capable de trouver un peu de temps pour le faire. Exact. Fait que on va attendre ça avec impatience. C'est bien gentil. Là aussi, faut pas oublier, t'es impliqué dans une petite émission comme ça que la plupart des gens ont probablement jamais entendu parler. Ouais, je pense pas. Qui s'appelle Monsieur Net, qui est une émission de ménage et de c'est pas le Monsieur Chauve qui anime ça avec le t-shirt blanc. Non. Monsieur Net avec Denis Talbot. Ça va être ta deuxième saison. Oui. Puis en plus, toi, t'es chanceuse. La plupart du monde qui sont là, ça fait des années qu'ils attendent pour avoir le droit d'avoir une heure. Toi, t'as juste fait une saison, puis pouf, la deuxième saison, une heure. Mais c'était certain. Ils attendaient juste moi, dans le fond. C'est ça, je me disais. Moi, je dis, ils attendent de trouver quelqu'un, tu sais, de vraiment, qui est capable de projeter cette émission-là dans une nouvelle. C'est ça. De pousser vers le succès, parce qu'ils ont toujours eu beaucoup de difficultés, on s'entend. Oui, c'est ça. Mais quand je suis arrivée dans l'équipe, ils ont dit, bon, ça y est, on a trouvé la clé. Tu sais, moi, je suis comme leur précieux, tu vois. C'est ça. Et voilà. Et je suis arrivée. Et là, maintenant, on a une heure. Non, mais sans farce, ça a été, c'est drôle parce que quand ils ont annoncé qu'ils faisaient une heure, moi, j'étais à ce moment-là pour Web et Mascara au Centre Bell pour voir un show. Puis j'ai vu par les tweets après le show comme que j'ai même pas écouté la dernière émission qu'ils l'annonçaient. Mm-hmm. Je l'ai appris. Puis là, je voyais comme une heure. Ah, c'est vraiment le fun. Tout le monde qui écrivait genre une heure, monsieur Net, tata, je suis, ah, c'est quoi? Parce qu'ils nous l'avaient pas dit. Ils avaient vraiment caché ça. Ouais. Même Steve disait, tu le savais, puis tu me l'as pas dit. Je dis non, je te jure, je le savais pas, j'en revenais pas là. Fait que je suis vraiment contente pour l'équipe, puis pour nous, pour moi. Et fait que ça va être vraiment le fun, garde. Sûr, ça va être beaucoup plus de travail, c'est le double, on s'entend. Ouais. Mais c'est le fun, puis garde. Je pense qu'on est tous des tripeux dans l'équipe, et je pense qu'on va essayer de donner le meilleur show qu'on est capable. Non, c'est déjà bien parti. De toute façon, c'était toujours coupé trop court, souvent. Il fallait qu'ils coupent la chronique, puis les questions, avaient pas, tu sais, t'avais pas le temps d'élaborer. Là, tu vas peut-être avoir le temps d'élaborer un peu plus sur le sujet que t'as, ou aussi avoir, tu sais, plus de sujets, là. Mm-hmm. Parce que si t'avais, mettons, je sais pas, 4 minutes pour faire une critique, ils t'en donneront pas nécessairement, tu sais, 8 ou 12 cette fois-là, là. Ils vont probablement donner un peu plus de temps, puis mais avoir plus de sujets. Mais je vais être super honnête, au moment où on se parle, j'ai pas énormément de détails sur les gros changements qu'il va avoir. Je pense que ils gardent ça aussi là pour plus proche pour nous enligner. C'est sûr qu'il va avoir évidemment des critiques de jeu, puis il va avoir des actualités un peu comme on faisait, mais exactement qu'est-ce que ça va être les changements et comment on va gérer la demi-heure de plus, ça j'ai aucune idée, c'est pas moi qui est dans le côté gestion. Mais peu importe, moi j'embarque, hein. S'il faut que je suis là, puis va faire ma place. Ah ouais, mais c'est certain. Mais c'est ça, je sais pas comment on va le gérer, mais on va essayer de donner le plus de matériel aux auditeurs et que tout le monde trippe. Ouais, ça commence dans 10 jours. Yes. C'est on est le 11, ça commence le 21. Moi aussi, j'ai hâte que ça recommence. C'est le fun. Tu dis toujours, ah, tu sais, OK, l'été, ça va faire du bien, je vais faire d'autres choses. Puis après 2-3 semaines de pas de mission, tu dis, ouais, mais quand est-ce que ça recommence, là? Ouais, ça vient long vite. Mais tu disais que tu le savais pas, puis que. Mais je pense que moi, j'avais eu la chance d'aller plugger le défi tête rasée que ton chum a participé à, puis que toi, tu as eu le bonheur de raser le coco à Benoît Gagnon. Oui, puis il en fait encore des cauchemars. Ouais. Il se réveille en soir, il m'appelle, il dit, c'est pas ça. Croire. Mais, j'avais été pour plugger ça, je pense que c'était le mercredi, puis le show finissait le vendredi. Puis, m'en est après le show, je parlais j'étais à une table avec Denis et Tristan, puis Denis disait, il dit, manquez pas le show vendredi, là, il dit, on va annoncer de quoi être gros, puis tout. Puis même Tristan avait pas l'air à le savoir. Fait que je sais pas jusqu'à quel point qu'il y avait pas juste Denis, probablement Momo, puis le boss de la station qui savait que ça s'en allait à 1 heure, parce que d'après moi, les autres le savaient pas. Fait que si le monde te croit pas que tu le savais pas, moi je te crois. Ben c'est ça, je pense qu'ils ont vraiment gardé ça secret vraiment le plus longtemps possible, puis ça a marché, parce que dans le fond, il fallait pas que ça sorte, t'sais. Je veux dire, c'était tellement gros comme nouvelle qu'au moment que ça a sorti, c'est là que ça a fait un gros boom, puis tu sais, tout le monde, tout l'été, tout le monde l'attend, puis tu vois les commentaires encore sur que ce soit le Facebook, les Twitter, le monde ont hâte puis ils l'attendent. Et ça nous met aussi un peu de pression, mais je pense qu'on fonctionne bien sans pression. Puis on va s'adapter aussi, là, tu sais, parce que c'est un gros changement quand même, mais je pense qu'on va être. Je pense qu'avec la gang qu'on a, on va être capable de livrer une super marchandise d'une heure. Je suis pas vraiment inquiète. Non, moi non plus, j'ai aucune peur là-dessus. Ils vont peut-être ramener des débats, ils vont peut-être ramener des choses. Ils vont trouver sûrement quelque chose de super intéressant pour meubler l'heure qu'ils ont pour le show, parce que ça fait tellement longtemps que le monde les achale pour avoir 1 heure. Exact. Ça va être excellent. Fait que si on parle de Monsieur Net, c'est arrivé comment? Je sais qu'ils ont fait l'année passée, ils avaient demandé aux gens d'envoyer leur CV parce qu'ils cherchaient des nouveaux chroniqueurs et tout ça. Comment ça s'est passé pour toi, l'aventure pour te rendre jusqu'à être à Monsieur Net? Ben moi en fait encore là que je disais que Twitter a été la source, c'est par Twitter que je l'ai appris, comme tu dis, et ils cherchaient des chroniqueuses. Mm-hmm. Puis à ce moment-là, ben encore là, un jour que je regarde mon Twitter, j'ai dit à Steve, Monsieur Net cherche du monde, et pour être très très ben pour dire la vraie chose, c'est René Cadieux qui m'avait écrit, qui écrit pour... Game Focus? Oui, exactement, Game Focus, merci. Qui m'a écrit pour me dire, « Hey Lynn, je cherche des chroniqueuses à Monsieur Net, tu devrais t'essayer. » Puis j'ai regardé Steve, puis j'ai dit, « Ben, je m'essaie. » Et pour vrai, je sais pas c'est quoi la balloune qui m'a pris, parce que... pour vrai, j'en veux même pas, j'ai fait ça. Parce que, en temps normal, je sais pas, j'aurais pas été game. Ben, pas j'aurais pas été game, mais... tu sais, c'est gros, là. Je veux dire, moi, Monsieur Net, moi, on en parlera aussi plus tard, mais mon père, c'est un gamer dans la vie. Et il a toujours, ça fait 20 ans qu'il écoute Monsieur Net, là, tu sais. Puis moi, je l'ai écouté, bon, plus dans les dernières années. Mais parce que, bon, tu es jeune et tu fais d'autres choses, là. Ouais, c'est ça. Dans mon cas, je travaillais beaucoup et tout. Mais, fait que je manquais beaucoup d'émissions. Mais quand j'avais la chance, j'écoutais Monsieur Net. Puis je me disais, aïe, tu sais, Monsieur Net, c'est big. Mais, en tout cas, je sais pas. La balloune m'est partie. J'ai envoyé, j'ai écrit à, c'était à Claude que j'ai écrit, Claude Larson, que j'ai dit, bon, ben, je suis intéressée, comment ça fonctionne. J'ai envoyé mon, ben, c'est-à-dire, il m'a dit, on passe des auditions, donc viens tel jour, telle heure, les détails, là, je m'en souviens plus ou moins. Puis là, ben je suis arrivée à la première audition à Musique Plus, et c'est Claude qui m'accueillait. Et il me dit, bon, ça va être super relax, une petite discussion de rien. Et j'arrive dans la salle et je suis devant Denis et Tristan. Tu sais, c'est toujours une petite discussion relax. Oui, ben ça frappe, hein, quand t'es ouais. Pour la première fois, là, c'est comme, OK. Oui, ça fesse un peu, effectivement. Et puis là, ben c'est ça, je me suis assis devant eux, et à ce moment-là, ça faisait pas vraiment longtemps que le E3 était terminé. Puis le 3 de 2011, en fait. Là. Mm-hmm. Puis là, on a discuté d'un paquet d'affaires. Et puis c'était effectivement super relax. C'est donné au début, il a dit « T'es-tu stressé? » J'ai dit « Ben, un petit peu, il faut dire. » Mais il m'a mis à l'aise parce que c'est des gens incroyablement fins. Là. Oh, je veux dire, c'est pas juste la télé, c'est dans la vie, tu le sais, toi aussi. Là. Oh, fait qu'ils m'ont mis à l'aise super rapidement. Et on a discuté. Et je pense que... Ben, moi, je suis vraiment fan de jeux de sport et c'est en parlant de tout ça. On a parlé d'un paquet de jeux, mais je pense que le côté que je joue autant à des jeux de sport que je sois une fille, c'est quand même, bon, ça les a intéressés plus ou moins. Ben, plus que moins, mais en tout cas, whatever. puis, c'est ça. Et j'ai fait la première audition. À la fin de cette audition-là, je pense que je l'ai compté. Je me rappelle pas c'est où j'avais compté, peut-être sur MadGamers, mais en tout cas, ça, c'est... ça m'a tellement fait rire. Ben, ça me fait encore rire, j'en reviens pas, j'ai fait ça. Mais à la fin de l'audition, bon, on était pour terminer, là, ils nous filmaient sur une petite caméra, sur une petite webcam, puis à la fin de l'audition, il dit « Bon, ben, c'est beau, Lynn, merci beaucoup. » Tu sais, c'est Denis qui dit ça. Il dit « Merci. » Il dit « Avant de terminer, t'as-tu quelque chose à rajouter? T'as-tu un dernier mot? » Puis moi, j'ai dit « Carotte. » Carotte. et bon, ça, c'est... Moi, je me suis trouvé... très drôle, sur le coup, parce que j'avais absolument rien à rajouter, en fait. Et j'ai juste dit un dernier mot, carotte. Puis là, j'ai dit ça, ils ont parti à rire, les deux gars, puis ils ont arrêté la caméra là-dessus, tu sais. Puis après ça, une seconde après, je les ai regardés, j'ai dit, aïe, c'est pas trop vendeur, hein, carotte, pour finir avec ça. Puis Tristan, il a dit, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Fait que je suis partie, et là, mon auto était stationné un petit peu plus loin, et tout le long, je marchais, je me disais, j'ai dit carotte. Carotte. Je n'ai pas... Tu marches vers ton char, tu regardes le droit, tu dis « Carotte, qu'est-ce qui t'a passé par la tête? Carotte! » Le dernier mot, puis ça avait bien été, tu sais, je suis partie de là, je suis embarquée dans mon char, puis j'avais appelé Steve, puis j'ai dit, tu sais, je pouvais pas faire plus que ça. Tu sais, je veux dire, puis pour vrai, c'est pas, je me vante aucunement, mais j'étais fière de ce que j'avais fait, je me suis dit, je pouvais pas... Tu sais, ben regarde, t'sais, c'est parler normalement de jeux vidéo, je joue à des jeux vidéo, fait que pour moi, c'était naturel, mais... Je me disais, j'ai été moi-même, puis tout, puis vraiment moi-même jusqu'à la fin, là, pour que je dise carotte en fin d'entrevue. On s'est entendu que je suis rendue à l'aise, là. Oh, ouais. Puis c'est ça, j'ai appelé Steve, mais après ça, je dis, aïe, j'en reviens pas, j'ai dit carotte. Puis là, on a une bonne route à faire, nous autres, jusqu'à chez nous, tu sais. Oh, ouais. Et je me suis répété à peu près 600 fois, et j'ai dit carotte. J'en revenais pas, en tout cas. Puis ça a été assez long avant qu'il me rappelle pour une deuxième audition. Ça a été assez long. Ben non, j'ai dit ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça a pris peut-être un mois avant qu'il me rappelle pour une autre audition. Fait que tu pensais que tes carottes étaient cuites? Ouais, les carottes étaient cuites en tabarnouche. Fait que là, je me suis dit, bon, ça, c'était trop, cette histoire-là. Fait que note à moi-même ne plus dire carottes en fin d'audition. Et finalement, ils m'ont rappelé pour une deuxième audition. Et ils m'ont dit, OK, il va falloir que... Je me rappelle que j'ai recommencé mercredi à travailler parce que, bon, je travaille dans un salon de coiffure aussi, mais c'est... En tout cas, whatever. Et j'ai recommencé à travailler à ce moment-là ouais. Au salon le mercredi. J'étais en vacances avant ça. Et ils m'ont écrit le mardi soir. Il était peut-être 7h30 le soir. Et ils m'ont dit, OK, demain... je pense qu'ils m'avaient écrit un peu avant dans la journée. OK, mercredi, t'es-tu disponible vers 5h30, 6h? Fait que j'ai écrit oui, parfait. Mais ils m'avaient rien précisé. Et vers peut-être 7h30, le soir, ils m'ont écrit, OK, tu prépareras une critique de jeu, une actualité et une nouvelle. Fait que là, 7h30 le soir, moi, je pensais me coucher de bonne heure pour être en forme. Là, ouais. J'étais comme, oh yeah. OK. Fait que ça là. Ça change les plans. Oui, ça a changé un peu les plans. Là, je paniquais un peu. À ce moment-là, je venais juste de terminer de jouer. Ben, terminé. J'avais pas fini le jeu, mais de jouer à Catherine. Alors, j'ai fait ma critique de jeu sur Catherine. J'avais fait ma chronique. Mon techno, c'était sur une souris sans fil. Et les nouvelles. Attends, j'essaie de me souvenir, ma nouvelle, c'était quoi à ce moment-là? Ah, c'était que la PS Vita. Vita, c'est-tu la PS2 ou la 3DS? En tout cas, tu sais, whatever. C'était la 3DS qui sortait bientôt. En tout cas, je me souviens pas exactement. Et j'ai monté ça, là, je me suis fait une critique, toi, de 6 minutes à peu près, qui ressemble à leur critique à eux. Tu sais, une bonne nouvelle assez longue. Tu sais, je me suis fait ça cute. OK. Et le lendemain, je suis arrivée là-bas. Et on s'est en allé à l'extérieur. Il y a une espèce de petite terrasse, là. Ouais, la terrasse. C'est ça. Fait qu'on était là dehors et là, Denis, il y avait un micro, il y avait une caméra qui me filmait, puis on dit, OK, on fait comme si on était live, tu sais. Fait que moi, je m'attendais à partir, moi, sur ma critique, puis avoir du temps, puis tout. Fait que là, non, lui, il m'a aligné ça back-à-back, là, tu sais. C'était comme, j'ai commencé à faire ma critique de jeu. Après, il a dit, OK, c'est beau. Tu sais, il dit, OK, merci, bon, c'est bon. Il dit, ta nouvelle? Fait que là, j'étais comme, OK, lui, il veut que je roule. Fait que j'ai fait à peu près en 6 minutes les 3 sujet. Okay. Et c'était ça qu'il voulait, en fait. Ouais. Il voulait juste voir comment j'étais capable de livrer la marchandise. Et même que, moi, je m'étais préparée. Ben, tu sais, je lis les nouvelles techno pas mal à tous les jours, mais pour un peu pas me pogner. Mais après ma nouvelle techno que j'avais préparée, il m'a dit est-ce que tu as une autre nouvelle? Fait que là, j'étais comme tabarnouchoc, attends, tu peux. Fait que là, il a fallu que je sorte une autre nouvelle que je venais de lire le jour même, à peu près, que j'ai sortie. Et puis à ce moment-là, j'ai fini mon entrevue et je me rappelle que Momo, il m'a regardé puis il m'a dit regarde, c'était parfait. Il dit, j'ai rien à dire, tu sais. Fait que, mais ça a fini là, merci, OK, bye, bon, tu sais. Puis là, je me suis en allée, encore là, j'ai marché jusqu'à mon char, j'étais stationné à peu près à la même place, puis là, je me suis dit, gars, je pouvais pas faire plus, s'ils me prennent pas, c'est qu'il y a vraiment quelqu'un qui est mieux, puis tant mieux, tu sais, je veux dire. Puis t'avais pas dit carotte? J'avais pas dit carotte, ça avait bien été. Mais là, encore là, je me disais, ils ont un petit faible pour carotte, s'ils m'ont rappelé. Fait que, tu sais, je me demandais tout le long si je le plaçais ou non, mais en tout cas, je l'ai pas placé. Mais, fait que là, je me disais, j'aurais-tu dû le placer, mon carotte? Non, c'est pas vrai. Fait que c'est ça. Fait que, puis ils m'ont rappelé après au mois. Ben, encore là, c'est moi qui l'ai réécrit parce que, c'est drôle parce que, à un moment donné, je trouvais ça long. Je pense qu'on était à une semaine que l'émission commence, puis j'avais pas de nouvelles. Mais il y avait eu la grosse nouvelle que Claude Rajotte revenait à ce moment-là. Fait qu'ils ont été, ça a comme chamboulé un peu Musique Plus au complet parce que Claude Rajotte revenait. Et je me rappelle, j'avais réécrit à Claude. J'ai dit, tu sais, je serais intéressé à avoir des nouvelles, savoir si je suis pris ou non. Tu sais, si je suis pas pris, c'est pas grave, mais juste au moins être informé, tu sais. Puis là, il m'a réécrit, il dit, je te réécris demain parce que là, on est vraiment dans l'histoire de Claude Rajotte, là. Fait qu'il dit, je te confirme ça au courant de la journée demain. Fait que là, le lendemain, j'étais en soir à peu près le 3/4 de ma journée. Jusqu'à ce que je reçois l'email qui me disait, c'était Claude, qui me disait « Salut Lynn, est-ce que t'es bien assis? Tu fais maintenant partie de l'équipe de Monsieur Net. » Fait que j'étais comme « Oh my God! » Ça a été... c'était incroyable comme feeling. Là, je me rappelle que j'étais assis à la table où on dîne au salon et j'ai regardé les filles puis j'étais comme « Aïe, je suis dans Monsieur Net. » Moi, c'est plus... J'en revenais pas. Puis là, les filles étaient comme Monsieur quoi? Parce on s'entend que dans les salons de coiffeur, c'est pas. Je fais partie des rares qui est très geek et techno, là. Ouais. Et jeux vidéo aussi. Fait que après leur avoir expliqué, ils étaient bien contents pour moi. Mais c'est ça. Puis à partir de ce moment-là, j'ai embarqué avec l'équipe. Puis là, c'est ça, ça va faire. Ça a fait un an, c'est-à-dire. Et là. J'embarque pour ma deuxième saison avec grand bonheur. Oui, c'est une belle gang, je veux dire. J'ai été chanceux de rencontrer presque tout le monde, je pense. Sur le show, je me rappelle pas s'il y a quelqu'un, j'ai pas... Ouais, j'ai pas rencontré Andréane, puis j'ai pas rencontré Pascal officiellement pendant un show, mais je les ai rencontrés à 2000e, là. Ouais. Mais je les avais pas rencontrés. Les autres, j'avais Bruno, puis Tristan une couple de fois, puis le kit, c'est vraiment du bon monde, c'est vraiment une gang super le fun à être avec, là. Ah, puis c'est moi, ça m'avait bien gros impressionné quand je suis rentrée là, parce que moi, comme je dis, j'ai toujours, je l'ai dit, ça fait 3 fois finalement, j'ai toujours voulu faire de la radio, de la télé ou n'importe quoi, mais beaucoup plus de la radio dans la vie. Puis Musique Plus, moi, j'écoute ça depuis que je suis petite, on s'entend, là. Puis quand je suis rentrée, que j'ai vu où était leur bureau se trouve à être exactement à toute la même place où les VJ sont. Puis tu sais, t'es assis là, t'as une Sonia Benezra qui passe en arrière de toi, tu sais, t'as Red, puis t'as, bon, tu sais, puis Shelly qui passe en arrière de toi, tu sais. À un moment donné, je me rappelle que la première journée, ben dans les premières journées, je suis assis à une place vide avec les gars de Monsieur Net, puis à un moment donné, je souris tout seul, tu sais. Puis, c'est comme que tu sais, je fais ça. C'est ça, puis tu sais, le sourire me venait tout seul, j'étais plus capable d'arrêter de sourire, puis je me disais, aïe, je suis à Musique Plus. Puis à chaque fois que je descends les marches avant une émission de Monsieur Net, je fais juste, à chaque fois, je me dis, réalise que t'es à Musique Plus, tu sais. Ouais. Je veux dire, c'est tellement gros. Je me rappelle que Claude avait fait faire la visite, puis il m'avait dit, tu sais, c'est dur de rentrer à Musique Plus, puis tu sais, en général, de travailler à Musique Plus. Fait que je me suis dit, à chaque émission que je fais, j'essaie de le faire à 1000%, j'essaie de me donner, j'essaie de prouver que j'ai ma place là. Mm-hmm. Puis j'essaie d'être moi-même en même temps, parce que c'est comme ça aussi que je trouve qu'on se démarque, mais c'est ça. C'est à chaque jour que je m'en vais à Monsieur Net ou que j'ai une émission, que je prépare le show ou que je teste un jeu, je le fais avec amour et avec passion parce que crime, je suis à Musique Plus, je suis à Monsieur Net, je travaille avec des gens incroyables. Denis, qui est un guide incroyable, puis que ce soit, tu sais, je le regarde animer, moi, j'essaie de je suis comme un éponge, j'essaie de tout prendre. De le regarder travailler, de voir comment il fait, ainsi de suite. Puis ça m'impressionne. Je regarde Tristan qui travaille tellement bien, qui connaît ses chroniques, lui. C'est incroyable. C'est une machine, lui aussi. Ouais. Puis c'est surtout, tous les membres de l'équipe, ils ont toutes leurs forces. Puis j'essaie de m'imprégner de tout ça le plus possible, puis que ça se reflète au courant de l'année ou de la prochaine année ou la prochaine, même juste la prochaine critique que je fais, j'essaie d'améliorer tout ça, tu sais. Fait que non, c'est vraiment une chance que j'ai, incroyable, puis je le réalise, puis regarde, je le souhaite à tout le monde, c'est incroyable comme trip, là. Non, ouais, c'est le fun, c'est aussi de voir comment ça se passe, tu sais, sur le plateau, puis pendant les pauses, tu sais, puis qu'est-ce qui se passe là, puis la préparation avant, tu sais. Moi, je pense que l'affaire qui m'a fait plus comme réaliser, c'est la première fois que je suis allé pour quand j'avais fait le tirage de 12 sexes, c'était quand t'attends dans la loge en haut, puis que la maquilleuse a dit c'est à votre tour. C'est ça. Oh, oui, ça. Là, c'est comme attends un peu, là, c'est vrai, tu sais, faut que tu te fasses maquiller, puis tu te le quittes, là. C'était comme OK. Ah, c'est impressionnant, puis tu sais, que ce soit aussi, moi, je me rappelle que. Tu sais, j'ai toujours dit je ferais de la télé, de la radio, quoi que ce soit dans la vie, je le vise, puis je le veux. Mais tu sais pas si t'es capable de faire du live jusqu'à temps que t'aies fait du live. Ouais, c'est pas facile. C'est pas pareil qu'enregistrer puis pouvoir recommencer, là. Vraiment pas. Puis moi, je l'ai fait, là. J'ai eu des petites radios sur Winamp dans le temps, puis ainsi de suite, que je parlais, bon, à peu près 4 auditeurs, mais pour moi, je capotais, là, tu sais. Puis le jour, je me rappelle, la première émission que j'ai faite à Monsieur Net, je faisais une genre de critique sur le pillow. C'était un genre d'oreiller pour iPad, là, que tu pouvais mettre sur tes genoux, qui était complètement de la merde, puis que j'ai démoli avec grand plaisir et joie. Mais quand ils font le « OK, on y va dans 5, OK, 4 », là, que Denis part et que c'est à ton tour, ils disent « Oui, Lynn, OK, parle-nous de quoi tu veux nous parler », et que tu pars, ton cerveau, là... Je sais pas comment l'expliquer, mais on dirait qu'il est comme en panique, là, général, là, pendant comme 2 secondes que tu dis OK. Parce que nos nouvelles d'actualité, on a à peu près 2 minutes, 1 minute et demie à 2 minutes par nouvelle. Fait que là, tout ce que tu as préparé doit rentrer dans un temps précis avec des mots qui ont de l'allure et que faut pas que tu bégayes trop parce qu'il faut que la nouvelle rentre. Tu sais, ce moment-là, tu fais comme « Oh boy, OK, faut que ça rentre. » Ben, c'est une course. C'est une course contre la montre. C'est comme entendre le fusil et dire « Là, tu pars, puis la fin est là-bas. » Exact. Ah ouais. Puis je pense que le pire, c'est dans les critiques de jeu. Parce que les critiques de jeu, on a 6 minutes. Autant qu'un jeu... Moi, c'est drôle parce que je me rappelle que Tristan, il disait c'est le fun de critiquer des bons jeux, mais c'est le fun aussi de critiquer des mauvais jeux. Et c'est vrai. Et moi, on dirait que j'aime encore plus critiquer des mauvais jeux. Parce que aïe, j'ai du stock à dire. Puis c'est là que c'est dur parce qu'il faut que je m'arrête. Puis à la dernière émission que j'ai faite cette année de Monsieur Net, j'avais 2 critiques de jeux à faire en un bloc. Mm-hmm. C'était sur Vita. Fait que j'avais un jeu de, c'était quoi, soccer, puis j'avais baseball à faire. My God, il a fallu que je rentre ça en 6 minutes. J'ai réussi, mais je pense que j'ai été essoufflée le reste du show complet parce que je réalisais plus que le temps avance, tu sais. Puis Denis, c'est un bon guide parce que quand il te reste presque plus de temps, il va dire une phrase que tu vas comprendre que, OK, tu switches à l'autre jeu ou ta chronique, tu sais, ton temps, il est fini. Fait qu'à ce moment-là, quand il me le disait, j'étais comme, oh tabarnouche, il faut que je finisse en à peu près une phrase, tu sais. Fait que là, c'est un marathon, là. Je me sens comme une Olympienne. Ouais, non, mais c'est quasiment ça, c'est fou. C'est complètement fou. Puis, je me rappelle que quand je suis sortie à l'émission, après la première émission, je me suis dit, OK, je suis capable de faire du live. Tu sais, on dirait, je me suis dit, ça n'a pas été 100% parfait la première fois. Mais ça n'a pas été une catastrophe non plus. Fait que je me suis dit, tout s'améliore dans la vie, avec du travail, on s'améliore. Je me suis dit, OK, je suis capable de faire du live. Ça, c'est, tu sais, je pouvais le mettre dans mon petit sac à dos puis me dire, tu sais, quelqu'un m'approcherait avec un projet live. Bon, je suis capable de le faire. Est-ce que je suis à 100%? Non, parce que j'ai beaucoup à apprendre, mais je suis capable parce que je pense que si tu l'as ou tu l'as pas, ça, je pense que... C'est ça. Ça s'apprend, c'est sûr, mais ouais. Ça, tu sais, je pense qu'il faut que tu aies une base d'être capable de gérer ton cerveau à dire ce qu'il faut que tu dises, puis à pas trop bégayer aussi. Là, c'est ça. Puis t'es jamais te revirer de base sur une scène s'il arrive quelque chose de pas prévu, parce que pas juste comme figé. Là. C'est ça, exactement. Parce que comme une des pires choses qui peut arriver pendant une critique de Monsieur Net, c'est que quelqu'un te pose une question pendant ta critique, parce que là, je veux dire, ton temps que t'avais, tu l'as plus. Fait qu'il faut que tu coupes à quelque part, faut que tu fasses ça intelligemment pour couper dans un détail important, faut que tu coupes dans des détails qui sont comme futiles un peu. Là. Ben c'est ça qui est dur aussi, parce qu'en même temps, l'interaction avec les autres chroniqueurs est intéressante. Mm-hmm. Tu sais, fait que c'est comme le côté que des fois, on se le fait dire aussi, tu sais, si moi, admettons, je connais moins un jeu, parce que c'est pas vrai que je joue à tous les styles de jeu, si je connais pas un jeu, ben je parle pas pendant la critique, parce que l'information que je vais apporter sera peut-être pas un plus, ça va peut-être être juste complètement inutile, puis je vais juste mélanger encore plus le chroniqueur. Mais si l'information est utile, puis il peut m'amener sur une autre voie, parce que des fois, je vais monter ma critique, puis, admettons, Tristan va me poser une question, ou peu importe qui, va me poser une question qui va faire « Ah oui, c'est vrai, puis il y avait ça aussi. » Puis là, l'interaction est intéressante. Sauf si on n'a pas joué au jeu et ce qu'on va dire est plus ou moins utile, on tout simplement pas le dire, parce que, comme tu dis, le temps est tellement compté. Puis c'est vrai que c'est dur des fois. Tu sais, des fois, on se fait couper par une question. Puis là, on essaie de répondre à la question rapidement, parce qu'il faut revenir, tu sais, à toutes les choses, parce qu'on veut donner le plus aux auditeurs aussi. Là, tu sais, aux téléspectateurs, on essaie de leur donner le maximum d'informations pour qu'ils puissent avoir un bon guide, parce qu'on sert à ça aussi, tu sais. Fait que c'est sûr que si une question est plus ou moins utile, ben on essaie de la laisser tomber pour pouvoir donner l'utile, tu sais, là, dans le fond. C'est ça. Faut savoir si c'est une bonne question à poser ou si tu devrais juste la garder puis poser après le show. C'est ça. Parce que souvent, c'est pas... ça qui arrive. Nous autres, on s'en va pas tout de suite automatiquement après. T'sais, souvent, c'est comme moi. Moi, c'est surtout des gadgets qui me font faire ça. Quand Alain est là, Alain McKinnon amène ses gadgets ou... C'est ça. Moi, je suis tout le temps après, j'ai une ou deux questions où j'essaie la nouvelle patente, où j'essaie de la regarder, ou bon, tu sais, là, ça, c'est des choses qui vont m'intéresser, fait qu'on s'en va pas automatiquement, parce qu'il reste qu'on est des gamers, puis on veut apprendre aussi, là, tu sais, c'est pas un sujet qu'on met, bon, c'est beau, on n'en parle plus, là, au contraire, tu sais, on est intéressé. Ouais. C'est ça, c'est super le fun. Fait que ça recommence le 21 août, fait qu'on va tous écouter ça, à la télé avec grand intérêt. Tu sais-tu quand est-ce que tu vas pour la première fois, ou tu n'as même pas encore ton horaire pour ta première apparition cette année? Ben, tu peux je pas sais le pas dire. Si ben non, je vais le dire, mais je sais pas si c'est ma première... En tout cas, je sais pas si je vais être là avant, mais c'est sûr que je suis là le 24, le vendredi le 24, puis je vais faire la critique de NCAA Football 13. Ah. Fait que je start ça avec une belle petite critique intéressante. De football. De football, sur PS3. Sur PS3. OK. Bon, ben ça, c'était bien intéressant. On va passer à cette heure à ton côté joueuse ou gamers. T'as commencé, tu disais tantôt, tu disais, on va en reparler, ton père est un gamer. Ça veut dire que j'imagine ton père jouait à des jeux vidéo pendant ta jeunesse. Fait que ça a dû t'aider à embarquer là-dedans. T'as commencé comment? Ben, puis mon père, il joue encore aujourd'hui, c'est ça qui est drôle. Ouais, ben j'ai commencé, c'est drôle parce qu'on est deux filles, moi, nous, à la maison. Là, il y a ma sœur Sylvie, qui est plus vieille de 21 mois, là, on s'entend. Et elle a plus ou moins eu d'intérêt aux jeux vidéo en tant que tel. Ben, tu sais, à part, mettons, les bonhommes, là, Mario, tu sais, ça, elle a embarqué au début, mais maintenant, elle joue plus, tu sais, okay. Plus ou moins. Puis elle n'a pas vraiment intéressé tant qu'à ça. Mais mon père, moi, lui, il a toujours joué. Tu sais, moi, j'ai connu la première console que j'ai connue, c'est l'Atari que mon père jouait. énormément. Et moi, ben c'était tout le temps, tu sais, ça y prenait un partner pour jouer. Puis c'était tout le temps, ben Lynn, viens essayer. Fait que, puis moi, j'avais de l'intérêt aussi, parce qu'on s'entend, si j'avais pas intéressé, j'aurais été, tu sais, j'aurais laissé tomber vite, là. Mm-hmm. Fait que j'ai essayé pas mal tous les jeux. Puis c'est ça, moi, ma jeunesse de gaming a été beaucoup influencée par mon père, parce que c'est lui qui avait l'argent. Ouais, okay. Fait que les jeux qu'il achetait, j'y jouais. C'était pas tout le temps mon choix premier, là, tu sais. Mais c'est ça, j'ai subi quelques jeux et j'ai apprécié d'autres. Fait que, bonne manière de voir ça, oui. Ben, c'est ça. Tu sais, je pense que j'ai ouvert mes horizons parce qu'on n'a pas toujours non plus les mêmes intérêts. Mais je réalise parce que avant de faire ton show, hier, dans mes nuits d'insomnie, ou de peu de sommeil, je pensais, tu sais, je réfléchissais, puis je réalise que j'ai été jeune à triper quand même sur ce qui était sport. Tu sais, que c'est ça avec l'Atari, on jouait avec la grosse manette noire. Oui, avec le seul piton dessus. Oui, c'est ça qui était super pratique. Puis c'est ça, j'ai joué au baseball jeune, crème, tu sais, puis c'est drôle parce que dans la vie de tous les jours, je suis pas une grande sportive, là. Moi, dans la vie, le seul gros sport que j'ai fait en compétition, c'est de la danse. Okay. Fait que, tu sais, j'ai pas joué au soccer, j'ai pas joué à rien, mais j'ai toujours eu un intérêt pour ça. J'ai joué au NES, j'ai joué tellement au... Ben, je sais pas si je vais trop loin, là, mais dans tes questions, mais j'ai joué tellement au jeu de hockey, là. Okay. À ice hockey, là, avec les trois bonhommes, là, qu'on choisissait la grosseur des bonhommes. My God, j'ai joué à ça, j'ai passé des heures et des heures. Mais mon père, c'est ça, revenir à mon père, il m'a fait découvrir beaucoup de jeux que j'ai appris par lui, parce que c'est lui qui avait, comme je te dis, les sous. Et, c'est lui qui achetait les jeux. Exactement. J'ai joué à Duck Hunt énormément parce que mon père tripait sur Duck Hunt. Là, on se faisait des compétitions. Et mon côté compétitif est aussi embarqué avec mon père, parce que c'était toujours qui le ferait le mieux ou le plus vite ou le plus ci, le plus ça. Fait que ça l'a embarqué vite, la grosse compétition. OK. Fait que ça, c'était, là, t'as commencé avec l'Atari, là, t'as été, ça veut dire que t'as eu une NES. Duck Hunt, c'était sur le NES avec le super fusil. Oui, j'ai eu ça. J'ai joué avec le NES là, énormément. Ça a été peut-être ma console jeune que j'ai le plus joué. Avec j'avais une cassette de 110 jeux. OK, puis, ouais, ces cassettes-là qui reviennent de temps en temps. Ouais. Moi, j'ai jamais eu ça, mais oui, il y a une couple de personnes qui me disent « Ah, tu sais, des cassettes de 100 jeux. » Ouais, non. Nous autres, c'était 110 jeux. On est quand même hot. Mais oui, hey, j'ai joué à ça. Là. Moi, Excite Bike, là, j'ai magané des manettes à jouer avec ça, là. J'ai adoré ça. Puis il y avait, moi, mon problème avec les jeux rétro, c'est souvent que les gens vont crier dans leur auto, dans leur iPod en entendant quand je vais les décrire, parce que souvent, je me rappelle pas des noms. Puis toi, tu vas peut-être souvent t'en rappeler. Tu sais, il y avait le petit oiseau, là. Tu sais, t'avais des ballons, là, au-dessus de toi. Balloon Flight. Fight ou quelque chose comme ça. OK. En tout cas, ça jouait avec ma sœur des heures de temps. Mais c'était beaucoup des jeux de encore là, de sport. Le jeu de tennis que j'ai joué avec mon père. Mon père, il jouait sur le NES, là, au niveau, je pense qu'il avait 5 niveaux. Lui, il jouait au dernier niveau qu'à la limite, tu voyais même pas à balle. OK. Tellement que c'était de un, les graphiques étaient plus ou moins bien fait. C'est une balle carrée dans ce temps-là. Oui, oui, tu sais, puis ça... Mais non, mais c'est quasiment ça, je te dis. Puis, t'as voyé même pas, là, c'était ridicule. Puis mon père, il jouait à ça, il se rendait super loin. Je pense qu'il a fini le jeu à niveau 5, ça n'avait même pas tant... Puis là, t'avais le petit son... En tout cas, whatever. J'ai tellement joué à ça aussi. Fait que j'ai joué à beaucoup de jeux de NES. On avait... Ma soeur a joué à Bébé Mario. Je sais pas s'il y a bien. Pour vrai, je connais pas grand monde qui ont joué à ça, Bébé Mario, là, qui mangeait du gâteau là, avec son petit hochet. En tout cas, c'était. Whatever. Ça, c'était le côté à ma soeur, tu vois. C'était pas nécessairement tous des bons jeux, mais sur ta, c'est ça, sur ta cassette de 100 jeux, tu en avais probablement des bons puis des moins bons. Oui, c'est ça. Je n'ai même pas tout essayé, je pense. Là, sur la gang, là, il y en avait qui m'intéressaient. Plus ou moins aussi. Là, mon père, il trippait aussi sur Lolo Lala, que je sais pas si tu connais. Aucunement. Aucunement, non? Jamais entendu. Ben là, en tout cas, juste le nom me dit rien. Oui, ça, c'était un genre de... C'était fucké, ça. C'était un genre de jeu, un peu de casse-tête, là, tu sais, là, qu'il faut que t'es un petit bonhomme, là, puis ton but, c'est de te rendre jusqu'à la porte, là. Puis il y a comme des monstres au travers de tes tableaux, puis il faut que tu les bloques, soit qu'ils crachent du feu ou ils peuvent courir après toi ou whatever. Puis c'était tableau par tableau jusqu'à temps que tu réussisses à sauver la petite princesse qui était Lala. OK. Toi, j'imagine ton héros, t'étais Lolo. Okay. Exactement. Mais mon père, il a joué énormément et par crochet, si tu veux, avec mon miroir, j'y ai joué aussi. Parce que, bon, j'avais pas de choix, c'était la cassette qu'on avait à ce moment-là. Fait que ça, j'ai joué à Zelda aussi sur ça. Mais moi, je suis pas une fan de Zelda. Attention, tu vas recevoir des courriers de haine. Je viens de recevoir une roche en arrière de la tête. J'y ai joué parce que mon père voulait y jouer. Puis le pire, c'est que j'ai fini, c'était Link to the Past. En tout cas, je l'ai fini parce que c'est ça que j'avais. Fait que Max sera fier de moi. C'est bien la seule chose que j'ai fini de Zelda. Mais non, j'ai eu du plaisir à Zelda, mais pas à plus me pouvoir, là, on s'entend. Là. Ouais, c'est ça. C'est un jeu qui est le correct. Mais pour moi, je l'ai déjà mentionné, Zelda, pour moi, c'est un jeu qui est trop long. Puis t'as l'impression quand tu joues que ça finira jamais. Fait que c'est pas le genre de jeu que j'embarque dedans parce que. Bon, ben, que j'embarquais dedans parce que je joue à des MMO à Star. Puis s'il y a un jeu qui finit jamais, c'est bien un MMO. C'est ça, ouais. Mais je veux dire, dans ce temps-là, pour moi, un jeu, fallait que ça finisse. Fait que quand j'avais joué une douzaine d'heures ou un petit peu plus, fallait que ça soit fini. Tandis que Zelda, j'avais l'impression que ça finirait jamais. Là. C'est long, tu sais, c'est extrêmement long. Puis moi, je pense que j'ai un côté trop compétitif dans la vie pour jouer à des jeux. Mais c'est pas vrai, c'est pas tout le temps vrai. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais en fait, on dirait que ça, je trouve que tu joues tout seul, tu t'en vas, tu sais, c'est long avant que tu trouves la petite porte. Puis là, tu cherches tes petits cœurs. Puis je trouve ça long, je pense que j'embarque pas. Mais encore là, c'est comme je t'ai dit, j'ai un côté compétitif qui fait que j'ai goût à jouer à des jeux qui sont actifs, qui sont rapides, que tu peux jouer à deux ou à plus. Ça, moi, j'embarque, tu sais. Puis c'est qui va gagner, comme je t'ai dit, un peu comme mon père, qui va aller plus vite, qui va être le meilleur. Bon, je suis restée comme ça, finalement. C'est dans mes gènes, ça a l'air. Oui, mais c'est correct. Je veux dire, on a chacun nos styles de jeu qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Sinon, il y aurait juste un genre de jeu qui serait là. Puis si on aimerait toute la même affaire, il n'y aurait pas 50 sortes de jeux différents. Là. Non, c'est ça. C'est on ça. Serait rendu au 28e Zelda, puis ça serait tout ce qu'il y aurait. Tout le monde attendrait le prochain Zelda. Non, c'est ça. Ça viendra peut-être, il ne parle pas trop vite. Mais ça va venir. Le Max va être comme, hey, le 28, tu sors. Mais bon, c'est ça. Mais j'ai joué aussi à. C'était sur NES, ça, Mega Man. Que ça, j'ai joué beaucoup. Je jouais avec mon voisin qui était aussi gamer que moi, mais lui, il était gamer juste de Mega Man, tant qu'à ça. Là. OK. Lui, il jouait à ça, my God. Fait que ça aussi, j'ai bien aimé ça. J'ai trippé pas sur tout, mais le premier, là, j'avais embarqué ben gros. Sinon, les autres, là, à un moment donné, je trouvais que c'était répétitif. Moi, je suis bien de même aussi. Là, à un moment donné, je trouve que c'est répétitif. Et pourtant, j'achète toutes les NHL. Mais ça, ben, en tout cas, ça on s'en reparlera. Mais c'est ça. Ça peut être parfait. Hein? Mais non, c'est ça. Ça me prend un défaut, puis c'est mon seul, qu'est-ce que tu veux. Ouais, mais c'est ça. Fait que ça, Mega Man, j'y ai joué pas mal aussi. Ça, c'est pas mal dans mes jeux NES là, que j'ai eu du plaisir. Après la NES, t'es sûrement passé à la SNES. Ton père a-tu acheté la prochaine console? Oui, il suivait pas mal les nouvelles consoles qui sortaient. Ouais. Ouais, on a pas mal tout eu. On n'a pas été dans les Sega, par exemple. Mais c'est pas vrai parce qu'on en a eu un après, en tout cas, comme un petit peu en retard. Oui, on a eu une sorte, on appelait ça le Spinint. Le Spinint, OK. Ça, c'était cool, là, tu sais, là. Moi, j'avais le Spinint. Puis, fait que je suis tombé là-dedans, ils m'ont dit que j'ai eu du plaisir avec ça. Je dis que le NES, j'y ai joué énormément, mais j'ai beaucoup joué au Super Nint aussi. puis ça, j'ai joué un paquet d'affaires. Qu'est-ce que j'ai joué au Super Nint? Ben, j'ai joué justement à tous les Mario, là. J'y ai passé, j'ai eu du plaisir avec ça. J'ai joué à des jeux de sport, mes premiers jeux de sport. Tu sais, mon premier jeu de hockey que j'ai eu, c'était le 93. NHL 93, ouais. Ouais. Puis j'ai joué aussi au Stanley Cup. Je sais pas si tu y as déjà joué. Qui était complètement affreux. Oui, ça me rappelle de vagues mauvais souvenirs, ouais. Oui, c'est ça. Tu recevais la POC, puis quand tu avais la POC, la caméra se tournait genre en arrière de toi, mais c'était super mal fait, tu étais super proche du joueur, tu voyais pas pantoute qu'est-ce que tu faisais, en tout cas. Mais j'ai commencé vraiment à jouer au jeu du Super Nintendo, de jeux de sport, là, vraiment, c'est Super Nintendo là, qui m'a... qui, tu sais, de suivre vraiment saison par saison, là, puis que là, mon père me donnait le droit, là, tu sais, si tu veux, là, okay. De pouvoir acheter un jeu ou, tu sais, là, qui me disait, OK, quel jeu tu veux, là, ça, là, my God, là, je capotais ben raide, là. Là, j'avais comme ma chance de pouvoir m'acheter un jeu par, je me rappelle pas par combien de temps, là, que je l'achetais, mais oui, là j'étais partie ben raide, là. Tu sais, j'ai joué aussi au classique, que ce soit Aladdin, ce que j'ai eu ben du fun. Ça, c'était pour ma sœur aussi, là, le Roi Lion, j'avais joué aussi à Batman Forever. J'ai joué à des classiques bonhommes. Le plus loin que j'ai été aussi avec, moi, je sais pas pourquoi j'ai joué à ça d'ailleurs, mais j'avais joué, je pense que c'est pas mal le dernier jeu que j'ai vraiment joué sur le Super Nintendo, c'était les Power Rangers. J'ai joué okay. à ça. Mais j'étais quand même vieille, là, puis j'ai joué à ça. En tout cas, ça me surprend encore, là. Okay. Mais ça a fait partie de... Encore là, j'ai joué à Zelda là-dessus parce que mon père l'avait. J'ai joué à... Comment ça s'appelle, ça, cette histoire-là? Ça, c'est moi. Ça, c'est moi qui cherche mes noms de jeu. À chaque fois qu'on a une discussion, moi, puis Steve, je suis tout le temps en train... Tu sais, là, le jeu... Tu sais, avec le bonhomme qui court, puis qui saute, là, puis qui... Ah, Star Fox, j'ai joué à Star ça Fox, ouais, OK. J'ai joué à ça, là, j'ai eu tellement plaisir. J'ai pas joué au dernier, le remake, mais tu sais, puis tout le monde dit que c'était tellement laid dans le temps, puis effectivement, c'était laid, mais my God, j'ai eu du fun avec ça. Ça mais c'est parce que pour le temps, c'était pas laid. Non, c'est ça, puis même que c'était super avant-garde, puis c'était débile, là, tu sais. Là. Ouais. J'ai trippé aussi sur les Lemmings. Ouais, ça, c'était le fun, ça. Hey, c'est tellement le fun, les Lemmings. Ça, j'ai joué, j'ai perdu beaucoup trop de temps de ma vie et de soleil parce que je restais les deux pieds chez nous pour jouer à ça. Ouais. J'ai joué, puis là, j'ai embarqué dans les jeux de sport. J'ai joué à NBA, j'ai joué les jeux de hockey, ainsi de suite. Ça, j'ai pas mal touché à ça. Je reviens à NES Paperboy. J'ai-tu joué à ça? Paperboy, ouais. On jouait ça à l'arcade, puis à un moment donné, ça a commencé à sortir ses consoles aussi, puis c'était... Ah, tu vois, j'ai pas connu à l'arcade, moi. Ben, j'ai pas connu les arcades tant que ça, faut dire. OK. Tu sais, j'ai pas vraiment joué par après, là, tu sais, mais sur le coup, là, du trip, j'étais trop jeune, faut dire. Une petite jeunesse. Ben, c'est ça, une petite jeunesse, pas un vieux crouton comme moi. Mais ben, c'est ça, moi, les arcades, j'ai la plupart des jeux que j'ai commencé à jouer, ben, pas que j'ai commencé, mais que j'ai joué aussi sur console, je les avais joués à l'arcade pour commencer. Okay. Fait que c'est le fun parce que tu revis d'autres choses, mais là tu compares les graphiques, tu dis, ouais, c'est pas pareil. Là. Ben oui, c'est mais, sûr. Mais tu sais, je veux dire, c'était quand même des jeux que je connaissais. Puis Paperboy, c'est un jeu qui est super le fun, mais il vient dur bien vite. Ben oui, oui. À un moment donné. Ben, puis le pire, sérieusement, là, je me suis sûrement jamais rendu bien, bien loin. Tu sais, parce que t'arrivais là, à l'espèce de section que c'était le parc, là. Ouais. Avec, c'était vraiment weird, ça, cette boîte-là. Ouais, à chaque fois, tu sais, t'es dans la ville, tu comprends le concept, là, t'envoies tes petits journaux à tes clients, là. Puis là, t'arrives dans le parc, c'est comme une espèce de coin weird, la musique, elle change, c'est comme trop orange, il y a comme des jumps, tu comprends pas pourquoi. En tout cas, ça, c'est le bout, je trouvais bien weird. Puis je pense qu'à chaque fois, j'étais comme là, je me plantais en bicycle, puis je retournais dans la ville, puis tu sais, j'étais bien. Je pense que je suis bien dans mon petit village. Ouais, c'est ça. J'arrivais c'est dans le parc. Ouais, j'arrivais dans le parc, puis là, j'étais comme, OK, là, on repart dans du weird, là. Mais en tout cas, fait que ça, c'était ma parenthèse NES. Mais Super Nintendo, un des jeux que j'ai embarqué là-dedans, là, moi, le seul, les deux pieds dedans, puis c'était les SimCity. Que okay. J'ai adoré, my God, que j'ai aimé ça, SimCity. Puis moi et mon père, c'était pathétique. Mon père, il se partait une ville, puis on allait souper. Puis là, il mettait le son bien, bien fort pour entendre au cas qu'il y ait un ouragan ou un tremblement de terre. Okay. Puis là, on soupait, là, puis là, il était comme, oh non, il y a l'alarme, tu sais, il y a un tremblement de terre. Ma mère était découragée. Puis moi, j'allais avec mon père, puis on allait voir, puis là, la ville était dévastée. Puis là, mon père, il en avait pour une soirée, essayer de reconstruire, puis il était comme, oh, maudit, tu sais, ouragan. Mais, mais ça, oh my God, que ça n'a pas de sens comment il a joué à ça. Puis moi, mais par le fait même, comme je te dis, j'ai joué à ça. Et j'ai continué à triper sur les Sims, tout ce qui était simulation, là, j'ai vraiment trippé sur cette... Sur ces choses-là, là, finalement, j'ai embarqué dans le trip, là, tu sais. SimCity, Civilization, ouais. Ces choses-là. Civilization, c'est drôle parce que ça, j'ai moins trippé un peu. Mais, tu sais, que ce soit, je sais pas si je suis tombée aussi dans PC un petit peu après le Nintendo 64, on a eu notre premier PC. Okay. Là, j'ai joué à SimTower. C'était-tu SimTower? En tout cas, c'était un peu le même concept. que tu construisais ta tour, puis là, il fallait que tu mettes un étage de restaurant avec un étage de locataires, ainsi de suite. Ça, j'ai joué à ça des heures et des heures de temps à perdre encore. Ben, à perdre. C'était pas à perdre, mais dans ce temps-là, t'as tout le temps l'impression que t'es père quand t'écoutes ta mère, là. Non, c'est sûr. Comme ça en dehors, mais j'ai joué à ça comme ça se peut pas. J'ai adoré ça aussi. J'ai joué à ça, j'ai joué à des jeux weird aussi, parce que moi je suis du genre, puis c'est drôle, je suis dans les livres aussi. Si je trouve la pochette belle, je l'essaye. Fait que ou je le lis ou whatever. Okay. J'ai joué comme à Toonstruck, que je sais pas si c'est quoi. Non, c'est avec l'acteur, que je me rappellerai plus de son nom, qui joue le docteur dans Back to the Future. Christopher Lloyd? Ici. Puis c'est ça, c'est avec lui qui joue avec des espèces, un peu le même concept que, tu sais, Roger Rabbit, le film de Roger Rabbit. Il avait fait tout ça là, avec une animation de cartoon, mais c'est fait en jeu vidéo. Il y a lui qui suit des bonhommes cartoon dans une ville de cartoon. En tout cas, c'est bien weird. C'est un peu à la style de d'énigme. Là. Il faut que tu trouves, il faut que tu complètes un énigme pour continuer dans l'histoire, ainsi de suite. Okay. J'ai joué aussi à des jeux à l'ordinateur d'un Myst. Puis bon, ce concept-là que j'ai pas mal embarqué, mais pas longtemps, parce que j'ai réalisé que c'était long et ça aussi très interminable. Mm-hmm. Parce que ouais. T'embarques là-dedans au début, puis à un moment donné, tu fais comme, ah, il y a eu le code de 3 chiffres avec le soleil qui plombe sur le piano, puis qu'il faut, en tout cas, tu sais, fait que là, tu débarques, là. Fait que, ouais, ça, j'ai débarqué assez vite aussi, finalement. Ouais, mais Myst, c'était assez compliqué, là. C'était pas évident à faire non plus. Ben, c'est un jeu de casse-tête aussi. Ça portait très bien son nom de jeu de casse-tête. C'est ça. Puis j'ai embarqué après ça à l'ordi. Casse-tête plus qu'à son tour. Là, ça n'a même pas de sens. Moi, je me cassais la tête même la nuit avec ces jeux-là. Fait que j'ai dit, OK, je vais arrêter ça. Je suis tombée aussi dans le mode... Age of Empires. Ça, j'ai embarqué au bout. Age of Empires, j'ai joué à StarCraft. Comme ça se peut pas. J'ai joué à Warcraft. Warcraft, là, j'ai joué à ça, là. Ça n'a même pas de sens comment j'ai joué. J'avais un oncle qui était vraiment un pro. Il faisait des compétitions de tout ça. Puis il jouait là, des heures de temps. Puis je pense qu'il joue encore aujourd'hui à Warcraft. Puis à StarCraft. StarCraft surtout beaucoup plus. Ouais. Puis mon père était un pro de StarCraft. Fait que moi, à le regarder jouer, j'ai appris à jouer. Quand j'ai commencé, finalement, j'étais bonne à force de les voir jouer puis de me créer des tactiques dans ma tête. Parce que mon père, c'était souvent genre, tu sais, moi, c'était pas Lynn débarque, c'était débarque, je vais jouer, tu sais. Fait que là, finalement, quand j'ai pris le contrôle, il a vu que j'avais appris beaucoup trop vite. En le regardant jouer. En le regardant jouer, je faisais mes propres stratégies, tu sais. Puis des fois, je me faisais moi, j'étais au sauveur dans la vie, je me faisais des stratégies sur papier avant. OK. Comment je construirais mon espace, puis où je mettrais mes tours, ainsi de suite. Puis j'arrivais, puis je me mettais mon papier. Aïe, je suis intense, mais c'est vrai. Je me mettais mon papier comme à côté, là, puis j'essayais de recréer ce que j'avais fait. Puis ça, pour moi, c'était la tactique idéale, tu sais. Puis ça marchait peut-être une fois sur deux, mais quand même. Puis là, après ça, ben si ça n'avait pas fonctionné, ben là, je retravaillais sur papier ma stratégie. Tu sais, bon, je suis un peu intense dans la vie. Fait que ça, j'ai joué Warcraft, StarCraft. J'ai vraiment embarqué dans ce monde-là. Là. J'ai adoré ça. Puis je suis tombée finalement à NHL 98, je l'ai eu sur PC. OK. Et je suis tombée dans le gaming par Internet que j'ai adoré. Et j'ai joué, là, my God, que j'ai joué à NHL 98. J'étais dans une ligue qui s'appelait le National. Puis à cette époque-là, j'écoutais même pas l'ancien compte, fait que je savais même pas que j'étais dans l'équipe, en tout cas, qui avait le même nom que le National. Okay, ouais. C'est ça. Moi, j'étais juste dans le National. Tout le monde faisait comme « Ah ouais, dans le National! » Moi, je pensais que c'était bien big, mais finalement, c'est juste parce que ça ressemble à... Ben, c'est le même nom. Le nom fait de l'équipe dans l'ancien compte. C'est ça. Moi, j'étais comme « Aïe, je suis big, je suis dans le National. » Mais en tout cas, ça n'a pas rapport. Mais c'est drôle, j'étais la seule fille de l'équipe. Puis moi, j'étais une baveuse dans la vie, là. Mais tu sais, je suis pas méchante. Je suis juste baveuse, puis j'aime ça niaiser. Puis ça me faisait plaisir, tu sais. Puis j'avais des séries de victoires. Je pense que le plus loin que je me suis rendue, c'était... Je pense que j'étais à 42 ou 5... Peut-être 52. En tout cas, mettons, on va dire 42, pas être fraîche, là. Mais j'étais à 42 victoires, aucune défaite, tu sais. OK. Quand j'avais commencé, puis je me prenais comme compte... La majorité du temps, c'était des gars. Je pense que j'ai pas jouer contre une fille sur Internet à cette époque-là. Puis, tu sais, puis là, c'était comme, hey, puis là, il m'écrivait, tu sais, là, que je trichais, whatever. Puis moi, à la fin, ça me faisait plaisir de leur dire, ben, en tout cas, juste te dire que tu viens de perdre contre une fille, t'sais. Fait que, c'était comme, non, ça se peut pas, ben, en tout cas. Fait que, finalement, on se parlait par MIRC après, et ils réalisaient, MIRC, oui. Que c'était vrai. Que c'était vrai, tu sais. Fait que, ça, j'ai joué énormément. Puis j'ai embarqué aussi dans le concept de jouer côté gestion parce que je suis assez freak pour aimer NHL pour aussi jouer le côté juste gestionnaire de l'affaire, tu sais, que ce soit le côté directeur général, de le jouer, mais même pas jouer les games. Tu sais, okay. De vraiment gérer mon... Je suis capable de faire ça. Puis encore aujourd'hui, là, je trippe à faire ça. Je me pars tout le temps une saison que je joue. Je me pars un DG complet. Je me pars un BA Pro. Puis je me pars une série que je joue pas, mais que je gère. Ça, c'est à chaque année, je fais ça. OK. Fait que toi, c'est pas un achat à NHL à chaque année, c'est un investissement. C'est un investissement. Okay. C'est vraiment ça. C'est gros. Et j'ai un besoin de l'acheter à chaque année parce que j'adore la franchise, j'adore la série, j'adore le hockey, point. Mais j'y joue, là, je use le jeu à la corde à chaque année, là. Je te dis, ça se peut même pas. Une année, là, il était pas graffiné puis il lisait plus mon CD. J'ai jamais vu ça, là. Okay. Je pense que j'ai, en tout cas, whatever. Puis c'est ça. Fait qu'à chaque année, je pars tout le temps les trois. Et quand je joue au jeu que je fais seulement de la gestion, Steve se tape la tête sur les murs parce que si lui est assis à côté de moi ou quoi que ce soit, ou il fait autre chose, puis il se retourne, puis il attend tout le temps que je joue une game, tu sais, pour me regarder un peu, whatever, mais je joue jamais finalement parce que je fais juste de la gestion de, OK, tu sais, je prépare mes lignes ou je me crée des jeux, puis, mais je joue jamais, je sais pas les jeux parce que pour moi, je veux voir si mes choix d'attaque ou mes choix de jeu, ainsi de suite, ma stratégie est bonne, puis bon, tel joueur, je vais changer telle équipe, je change de ligne. Puis OK, lui, je vais le monter pour que lui, je le redescende parce qu'il n'a pas fait grand. En tout cas, ça, c'est moi. Je suis folle de même. Fait que j'ai joué à ça. J'ai commencé ça sur NHL 98 à faire de la gestion comme ça, à essayer d'avoir une saison sans jouer. Et c'est devenu une maladie. Et j'ai joué aussi à... C'était Football Manager 98, qui était au soccer, dans le fond, le même concept. Mais ouais. Que tu voyais, ça c'est ça qui manque, ben, en tout cas, je vais peut-être être seule au monde qui dit ça, là, mais je rêve qu'il y ait ça pour le hockey. Que tu puisses... Un jeu que tu n'as pas le droit de jouer, que tu fais juste regarder puis manager. Là. Exact, mais ce que j'aimerais, c'est... Tu vois, j'en parle avec toi, ça c'est un projet que je vais créer un jour, non c'est pas vrai, mais que tu puisses, parce que dans Football Manager 98, tu pouvais voir les matchs, et je pense que dans les derniers qui ont été faits, c'était ça comme ça aussi. Tu peux voir les matchs quand même, tu vois de haut, whatever, c'est pas obligé d'être des aussi beaux graphiques, on s'en fout dans le fond, parce que on veut voir le match, mais qu'on peut interagir pendant le match, faire des changements. Okay. Ça serait cool qu'ils sortent ça. Ben, peut-être que, comme je te dis, on serait deux à acheter ça, là, si ça sortait. Ben, peut-être plus. Je suis sûre qu'il y a plus de monde qui embarque, qu'il y a du monde qui embarquerait dans le concept, là, de vraiment faire ta gestion. Puis si, bon, il y a une pénalité ou whatever, ou il y a un blessé, ben, que tu fasses ton ta switch. Substitution, mets ton autre joueur, puis. Exactement. Que tu changes ta stratégie parce que tu es en train de perdre 2-0, tu sais, bon, ainsi de suite. Mais que tu puisses voir le match en temps réel quand même, même si tu es assis en arrière du banc, tu sais. Bon, ça, c'est un rêve que je chéris. Et je sais qu'il y a des gens qui... À un moment donné, j'avais écrit ça sur Twitter, puis il y a des gens qui m'avaient parlé d'un site Internet que ça ressemble à ça, mais tu vois pas les matchs, tu sais. Je comprends de faire les échanges, puis ainsi de suite, que tu peux faire. Je pense que c'était Esports, en tout cas, je me rappelle pas c'était quoi, Eastside Hockey ou quelque chose de même, whatever, mais que tu peux le faire, mais encore là, comme je t'ai dit, tu vois pas les échanges, fait que tu vois pas les matchs, tu sais, tu peux faire des échanges, mais le résultat, tu sais, tu fais juste comme simulate game, puis là, tu arrives à ton résultat, OK, t'as perdu 3-0, mais dans le game, j'aurais peut-être fait quelque chose pour faire changer ça, t'sais. OK, ouais. En tout cas, c'est complètement inutile comme information, mais c'est un rêve qu'un jour... peu importe quelle compagnie sorte ça. Et je souhaite aussi le retour d'un jour du 2K en passant, parce que je trouvais que c'était une belle compétition. C'était intéressant de voir les deux. Et j'espère que maintenant, ils vont revenir, puis ils vont revenir big, parce que avec tout ce que EA fait comme niaiserie de ce temps-ci, si 2K arrivait avec quelque chose de super bien bâti, avec des graphismes intéressants, avec, tu sais, je veux dire, quelque chose de bien fait, de big, avec une sortie, tu sais, qui mette ça, qui fasse une promotion qui a de l'allure, je suis certaine que ça pourrait faire vraiment mal à EA et peut-être leur faire comprendre des choses. Mais ça, ouais, c'est mon avis. Quand t'es tout seul, non, c'est ça. Quand t'es tout seul, c'est jamais bon. Ça, exact. Ça te pousse pas à essayer d'améliorer. Tu fais juste la même chose tout le temps. Puis... Exactement. Fait que ouais. Ça, c'est mon avis. C'est encore là, c'était éditorial, mais c'est ça. Ouais, mais je veux dire, le jeu de hockey, c'est quand même plus moins populaire qu'un jeu de baseball ou qu'un jeu de football parce que la population qui aime le hockey est malheureusement ouais. plus petite. Aux États-Unis, le hockey, c'est plus ou moins intéressant, tandis que football, baseball, ben c'est la folie. C'est la folie. Fait que c'est ça. Fait que un jeu de, qui sortirait. Je pense que ça existe, ton le jeu que tu parlais de simulation, ça existe soccer. Je suis pas sûr si ça existe pas baseball. Ça aussi. Existe football aussi, je pense. Ouais, mais c'est juste hockey. Mais comme tu dis, il en vendrait probablement 4. Parce c'est que ça se vendrait juste au Canada. Puis en exact. Plus. Ben, peut-être que ça pourrait être une compagnie québécoise ou canadienne qui le ferait, tu sais. Puis que ça se vende ici, oui, mais tu sais, peut-être que si, tu sais, peut-être une petite compagnie, whatever, pourrait partir ça. En tout cas, je lance la suggestion. Ou peut-être un auditeur qui va faire hey, maudite bonne idée, Lynn. Un petit jeu iPod, là, même si les games, quand tu regardes des parties, c'est des petits points qui se déplacent à la glace. Ouais, c'est pas grave, ça, je m'en fous, tu sais. Dans Football Manager 98, là, c'était à peu près ça, des points, là, tu sais, pis ça me dérangeait pas, moi, de voir, tu sais, que je vois pas que le gars, il a les cheveux bruns, là, je m'en fous, là. Tu sais, c'est pas ça le but, là. Je voulais juste avoir mon résultat pour pouvoir intervenir dans les parties, tu sais. Dans le fond, c'est ça. Pis c'est vrai, un jeu iPod, iPad, ça pourrait être super cool, ça. Ah ouais. Même, ils ont de la misère, là, PS Vita, à avoir des jeux. Peut-être qu'une franchise comme ça pourrait être cool, tu sais. Bon, en tout cas, whatever. C'est mon idée, mais en tout cas, c'est quelque chose que je veux depuis des années. Porte-toi une compagnie de jeux, puis go! Mais oui, j'ai pas assez de projets, Luc. Un projet de plus! Ouais. T'es mis en fil, puis t'es fait un par un, tu sais. C'est ça. Chacun leur tour. Fait que t'as joué PC un peu à NHL, t'es a découvert sur PC. T'as dit que t'as eu un N64, y a-tu des jeux que t'as trippé là-dessus? Ou comme tout le monde, t'as eu la console, mais bof! T'as pas trippé dessus? Ben, j'ai pas trippé tant sur le 64. En fait, je l'ai eu. Quand j'ai eu une Nintendo 64, je l'ai même pas eu parce que c'est mon voisin qui l'a eu. Puis là, on se l'est prêté. Tu sais, moi, je pense que lui, à ce moment-là, il avait Sega, puis moi, j'avais Nintendo, le Super Nintendo. Fait qu'on avait fait comme un Switch, mais lui m'avait prêté son Nintendo 64. Moi, j'y avais prêté Super Nintendo. Tu vois, okay. Comment il pognait. Puis j'ai essayé. Ça marchait au bout. C'est un downgrade. C'est ça. Tu sais, il était comme, hey, prête-moi ton 64. Moi, j'étais comme, yes. Puis finalement, je me suis fait avoir. J'ai joué à 1080 snowboarding, que j'ai joué des heures et des heures de temps encore là. Okay. Ça, j'ai adoré ça. C'était un, tu sais, c'est mon premier jeu de snowboard. Ben, que dans le fond, je pense que c'était le premier. Sinon, j'avais pas essayé à d'autres jeux avant. Mais que je trouvais tellement cool faire des moves, pouvoir avoir des points avec des moves. Ça, j'ai bien aimé et j'ai continué à jouer encore là. Ça reste que c'est un jeu de sport. Je suis pas fatigante avec ça. J'ai joué au James Bond. Vous avez le GoldenEye? Ouais, GoldenEye. Ça, j'ai joué. C'était super. Ça, c'était le meilleur jeu. Ben, c'est un des premiers. First person shooter ouais. sur console en tout cas là, ce qui... ouais, réussi là, qui était comme ouais. vraiment hot là. Pour vrai ça j'ai rien à dire, c'était vraiment vraiment bien ça, j'y ai joué, puis c'était le fun de pouvoir jouer multijoueur aussi, tu sais. Ben multijoueur à deux là, ouais, c'est même là. Un écran séparé, c'est ça. Là. C'est ça j'avais bien aimé ça. Puis tu vois les ces années là de hockey, j'ai jamais joué au sport sur 64 parce que à ce moment-là, j'ai joué sur PC. Fait que, tu sais, je pense que le PC, dans ce temps-là, là, le PC a embarqué vraiment plus dans ma vie que le Nintendo comme tel. Parce que pour vrai, là, il y en a aucune autre vraiment. Tu sais, à part le Mario, là, qui était vraiment, moi, je l'ai détesté en plus, là, mais que j'ai essayé de l'aimer. Tu sais, parce que je trouve quand t'es jeune, t'essaies un jeu, t'essaies de le finir pareil. Tu sais, maintenant, on a tellement de choix qu'on stand vite puis on ne finit pas le jeu puis c'est tout, là. Ouais, c'est ça. Mais il reste que les autres, on dirait que tu te casses la tête pour, tu sais, j'ai joué, je pense, ben, c'est tout. J'ai joué peut-être à 3 jeux, mais je les finissais dans le temps, tu sais. Quand même, je me forçais à les finir parce que c'est ça que t'avais pour un bout, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que maintenant, c'est pas mal différent. Mais il reste que c'est ça. Nintendo 64, je l'avais comme emprunté, puis pas longtemps, tu sais, comme une fin de semaine, puis j'ai réalisé que je m'ennuyais de mon Super Nint. Ben oui. Fait que c'est ça. Fait que non, j'ai pas trippé tant que ça. J'ai pas embarqué finalement. T'as-tu. Parce que la plupart du monde qu'à date, à qui j'ai parlé, ils ont eu un Nintendo 64, mais pas longtemps parce que c'est la première PlayStation qui a embarqué. Parce que c'était pas mal le compétiteur de la Nintendo 64, ça a été le PlayStation. Puis là, c'était sur CD. Les graphismes, dans le temps, c'était comme incroyable parce que là, t'avais beaucoup plus de place. Puis, tu sais, je veux dire, ça l'a apporté un côté différent au gaming. T'as-tu tombé là-dedans? T'as-tu tombé dans le premier PlayStation? Je l'ai eu, le premier PlayStation, mais j'ai pas joué encore là. On dirait que mon père, il achetait console parce qu'il sortait, là, puis il fallait l'avoir. Mais j'ai pas joué tant que ça parce que, encore là, comme je te dis, j'étais beaucoup sur PC. Fait que, on dirait que moi, mon père, il a tombé aussi dans la maladie du PC, là, d'avoir tout le temps le dernier qui sortait. Fait qu'on changeait peut-être de PC un an et demi, deux ans, là, genre. J'allais dire aux trois semaines. C'était quasiment ça. Oh, oui, tu sais, c'est ça. Fait que, il s'est mis, eh ben, aux années, quasiment, on changeait, là, où on avait un deuxième puis un troisième, là, parce que là, mes parents, je pense qu'ils en ont quatre, là, tu vois, genre. Okay. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'ai joué, mais ça a pas été tant que ça. Tu sais, j'ai joué au Tony Hawk, c'est encore là, des jeux de sport que j'avais vraiment aimé. Mais sinon, je te dis, j'étais vraiment pognée, là, puis j'étais pognée vraiment dans mes jeux de hockey. Fait que ça, on l'a, tu sais, je l'ai eu, le PlayStation, mais j'ai pas embarqué tant que ça. J'ai pas trippé tant parce que j'étais pognée dans mon PC, tu sais. C'était plus PC avec ton jeu de hockey, puis... C'est ça. Tes affaires de management, de joueurs, puis de tout le kit, là. Ouais, ça, oui. Ça, mon côté de folie, là, oui, ça en faisait partie. Ouais, c'était dans le temps aussi, moi aussi, je jouais plus PC dans ce temps-là. Je pense, 98, c'était qui était sa pochette? C'était-tu Mario Lemieux? Sur PC? Bonne question. Je me rappelle pas. Je sais que j'en ai eu un paquet à un moment donné. Très bonne question. Ouais, je me rappelle pas qui était dessus, mais j'en avais eu pas mal, moi aussi. Puis sur PC, les graphismes étaient beaucoup non, plus beaux. Non, c'était Peter Forsberg qui était là. Peter Forsberg, OK. Ouais, qui était mon joueur fétiche dans ce temps-là, que je me pouvais plus, là. J'avais une chambre avec un mur complet de stock de hockey. Puis ma sœur avait été visiter Toronto avec l'école, là. Puis elle m'avait ramené genre une photo qu'elle avait achetée au temps de la renommée de Peter Forsberg. Okay. Burke, je capotais sur lui, ben red, là. Mais pas parce qu'il était cute, parce qu'il était bon. T'sais, moi, j'avais ce côté-là, là, de fille qui connaît le hockey. Là, c'était comme, c'est pas trop cute. J'ai dit, non, il est vraiment bon. Puis j'avais des statistiques, puis tout à backer, là, parce que ça aussi, ça fait partie de. Puis il était toujours dans mes équipes. Là, il fallait tout le temps que je fasse ce transfert-là, au moins de gestion, que Peter Forsberg soit dedans. Parce que sinon, ça valait pas la peine de vivre. Non, non, ça. Fait que t'échangeais peu importe qui pour avoir Peter Forsberg en retour dans ton équipe. Puis après ça, je buildais mon équipe autour de Peter Forsberg. Là. J'essayais de trouver le partner idéal, t'sais, les bons alliés, puis ainsi de suite, les bons défenseurs pour fitter avec son style de jeu à lui. Tu vois, genre, j'étais vraiment folle. Mais la maladie s'est finie quand même vite, là, parce qu'il n'a pas été là longtemps, pauvre petit. Mais Forsberg, ça a été une belle folie. Forsberg. Ouais. Forsberg. Oui, c'est ça. OK. Fait qu'après ça, t'as continué PC ou t'es allé PS2? Ben, on l'a, je l'ai. Okay. Mais encore là, j'étais pogné, j'étais bien gros pogné sur le PC. Fait que, tu sais, pis c'est drôle, c'est peut-être la seule console rétro vraiment que j'ai encore. Puis elle est pas aussi rétro que ça. Ben, c'est pas vrai, l'Atari, mon père, il l'a encore. Ah ouais? Dans une boîte à quelque part. Qui fonctionne encore quand même, parce qu'il a tout le temps fait super gros attention à ses affaires. Puis ça aussi, moi, on a suivi ça aussi. Mais il reste que, c'est ça. J'ai encore mon PlayStation 2, mais c'est ça. Premièrement, j'y joue plus vraiment. Ça, j'ai joué à des jeux, mais pas tant que ça. Je te dis, quand je regarde les collections de jeux que j'avais dans le temps, comme je te dis, c'était beaucoup mon père qui choisissait. Puis après ça, PS2, c'était pas mal moi, mais ça a tellement passé go. Moi, je trippais tellement être sur le PC que, tu sais, mon père, je me rappelle, on l'avait reçu à Noël. Puis dans le fond, c'est drôle parce que mon père nous offrait souvent nos consoles à Noël, mais dans le fond, il se faisait un cadeau à lui aussi, tu sais. Okay, fait qu'il ouais. était plus énervé que nous autres quand on ouvrait parce qu'il était comme, OK, balle là, tu sais. Puis on l'installe, OK, go, tu sais. Puis là, j'étais comme, attends, il y a d'autres cadeaux. Mais tu sais, mon père, il s'en foutait, là. Il avait sa console, il était bien content, là. Puis là, c'était tout le temps à maman, hey, on va leur acheter une console, tu sais. Puis que ma soeur jouait pas pantoute, là. Je pense qu'à chaque Noël, elle avait le goût de broyer. C'est pas une autre console. C'est ça. Mais je me rappelle quand on a eu le PlayStation 2, on a été surprise, moi, ma soeur. Tu sais, je me rappelle, mais surtout ma soeur. Pauvre petite. Mais je me rappelle d'être surprise puis de faire comme, ah ouais, OK. Tu sais, mais je jouais tellement PC que à la limite, je regardais même pas ce qui sortait sur PlayStation à ce temps-là. Tu sais, j'allais plus vraiment dans les clubs vidéo checker, tu sais, louer un jeu. Là, j'y allais plus parce que j'étais tellement pognée PC que je me rappelle d'avoir un PlayStation 2 puis faire comme, ah ben, OK. C'est cool, là. Je vais aller voir qu'est-ce qui. Puis je me rappelle, on avait été au club vidéo voir qu'est-ce que je pourrais louer, puis je connaissais absolument rien, parce que j'étais tellement pognée dans mon PC que tu sais, c'est ça. Moi, jusqu'en 2003, mes jeux de hockey ont été vraiment sur PC. Fait que tu sais, j'étais comme, OK, bon, on va essayer des jeux, mais j'ai vraiment pas embarqué plus que ça, tu sais. Même peut-être, les jeux de sport sur PS, ouais, peut-être, non? Peut-être les jeux de football, j'ai joué un petit peu plus là, tu sais, Madden NFL 98-99, je pense que je les ai eus là-dessus, mais sinon, tu sais, puis ça, mon père, c'est drôle parce qu'il était tout le temps découragé parce que c'est peut-être les jeux de sport, il a jamais été vraiment bon, ben en tout cas, il m'a jamais battu, mais ça, c'est l'histoire de ben des gars. Ouais, ton chum non plus, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, fait qu'il est pareil, finalement, mais c'est ça, fait qu'il, puis il se tannait vite, tu sais, je pense que l'affaire qui est plus drôle, c'est que Steve, il a pas d'orgueil, tu sais, fait que un autre cheap shot. Oh, c'est pas grave. Ça, je vais vivre avec. Mais souvent, c'est ça, tu sais, c'est que. Puis, c'est vrai, il est encore de même aujourd'hui. Tu sais, on joue au hockey, puis c'est comme, ah, tu sais que là, ce shot-là, je vais te battre. Puis là, je le bats. Puis là, il dit, ah, maudit, j'étais sûr de te battre. Mais comme, une semaine après, il va dire, OK, on joue, puis là, je vais te battre. Tu sais, on dirait que, il n'y a pas de mémoire, c'est peut-être juste ça. Ah, il y a un film là-dessus, hein. Oui, le jour de la marmotte, là. Ouais, quelque chose comme ça. C'est à peu près du genre à Steve. Mais mon père, lui, il a une meilleure mémoire, tu sais. Mon père, c'était comme, hey, on joue tout au hockey. Oh non, j'ai d'autres choses à faire. Puis là, il se trouvait une activité, là. Fait que finalement, je jouais vraiment tout seul, mais je tripais encore là. Ouais, c'est ça. Je te dirais que c'était peut-être football, j'ai eu. Mon père en a eu une coupe. Mais je te dis, j'ai même pas touché à la limite là, au PlayStation 2. Quand je l'ai amené avec moi quand je suis déménagée parce que finalement c'était comme à moi, ben, puis à ma soeur. Mais ma soeur, je sais pas pourquoi elle n'en voulait pas. Mais je l'ai amené, je l'ai, mais joue-tu plus avec? Non. Puis d'ailleurs, confession, vu qu'on va tomber dans un jeu plus actuel, d'un console plus actuel, mm-hmm. Je suis vraiment pas une fille de rétro gaming. OK. Mais vraiment pas. Puis c'est drôle parce qu'il y a cette vague-là. Quand, justement, je disais à Steve, avant que je fasse Histoire de Gamer, que tu m'invites, j'avais écouté Steve. Steve, c'est un gars, je te dirais pas qu'il joue énormément du rétro gaming, mais il y a des passes, tu sais, là, qui puis comme beaucoup de monde, tu sais, là, qui vont embarquer. Mais moi, là, un jeu que j'ai joué en 92, si j'y rejoue, ça me tente pas, premièrement. Puis souvent, je vais le trouver tellement laid. Ouais. Mais j'ai pas la nostalgie du gaming, moi, dans la vie. Moi, je suis une fille qui cherche toujours les plus beaux graphiques, de plus en plus beaux. Tu sais, si j'ai pété sur un jeu, que ce soit... Tu sais, je rejouerai pas à un vieux NHL parce que j'ai donc bien joué à ce NHL-là, parce qu'il y en a un autre, puis je veux jouer au plus récent, puis c'est lui je vais trouver beau, tu sais. Ouais. Tu sais, le Tony Hawk's Pro Skater, j'y ai joué, j'ai magané les... Je l'ai joué jusqu'à la corde, mais je ne rejouerai pas à l'ancien parce que le nouveau, il est sorti, puis c'est lui que je veux jouer. Tu sais, je suis vraiment comme ça dans la vie, puis je vais peut-être me faire lancer des roches, ou peut-être qu'il y a du monde qui va se reconnaître là-dedans aussi parce que j'embarque pas là-dedans. Tu sais, un jeu que j'y ai joué, puis ça me tente pas. Tu sais, des fois, Steve va me mettre un vieux Mario, puis il dit « Ah, check, joue au vieux Mario. » Tu sais, je vais jouer 2 minutes et demie, puis je suis comme « OK. » Tu sais, je vais me remettre un jeu actuel, puis je vais être bien contente parce que sinon, je trouve pas ça beau, tu sais. Mm-hmm. J'ai joué, comme là, présentement, là, j'ai commencé à jouer à Max Payne 3, Puis Steve, il me disait, avant de jouer à Max Payne 3, joue aux autres, tu sais. Fait que on les a mis sur PC, il me l'a installé, et je le trouve tellement laid que ça me tente pas. T'embarques pas. Non, puis même si l'histoire est bonne, je comprends que l'histoire est bonne, puis que je vais triper, comme les Alan Wake, je me suis fait beaucoup parler des Alan Wake, mais sortez-en un nouveau, sinon je jouerai pas. Tu sais, je suis pognée, c'est plate que je sois comme ça finalement, mais je te jure, j'embarque pas, je débarque complètement. Quand je trouve ça laid, je débarque. C'est triste parce qu'on dirait que je me dis tout le temps qu'il y a quelque chose de tellement beau que je peux voir puis que là je regarde ça puis je trouve pas ça beau puis ça me fait débarquer complètement de l'histoire, tu sais. OK, mais Alan Wake c'est quand même assez récent. Oui, ben je dis Alan Wake, c'est peut-être pas le meilleur exemple là. Okay. Mais comme je te dis, les premiers Max Payne, c'est peut-être vraiment les bons exemples là. Ouais, c'est ça. C'est vieux, même si l'histoire était 40. Tu sais, comme finalement, Steve, il m'a comme expliqué l'histoire de Max Payne avant que je commence à jouer au 3, parce que lui, il a joué énormément à ça, parce que moi, je le connaissais pas. Mais j'avais aucun intérêt, juste après avoir vu le graphique du premier, j'ai fait, ah, OK, non, c'est beau, tu sais, ça me tente pas. Fait que ça, c'est peut-être une de mes faiblesses, mais je perds rapidement de l'intérêt. Fait que moi, j'embarque pas dans du rétro gaming. Puis quand je vois les gens vraiment là, sur Twitter, « Ah, oh, regarde, je me suis acheté le tel jeu de Nintendo, du NES », ben je suis comme « Cool », mais moi-même, l'avoir, j'y jouerais pas, tu sais. OK. Ouais. J'aurais pas l'intérêt d'y jouer, tu sais. Ouais. Fait que dans l'histoire de gamer, je suis peut-être la moins rétro gaming que t'as eu depuis le début, finalement. Non, ben tu sais, moi, je suis un peu comme toi pour ça. J'haïs pas le rétro gaming. J'irai pas m'acheter un Atari 2600 pour rejouer à combat puis des affaires de même, même si c'est des jeux que j'ai trippé quand j'étais jeune. Mais il y a certains jeux qui vont m'avoir accroché dans la vie que eux autres, j'y rejouerais juste parce que ils en ont jamais refait une version améliorée. Tu sais, que ça existe plus. Puis que j'ai vraiment trippé dans ce temps-là. Mais des fois, tu sais, tu vas jouer 15 minutes puis c'est assez. Tu vas faire des petites sessions de 15 minutes parce que bon, OK, c'est rendu poche et vieux, mais le jeu est tellement trippant que t'aimes ça le jouer quand même de temps en temps. Mais c'est sûr, comme tu dis, un NHL, retourner jouer à NHL 93, t'sais, peut-être un 5 minutes pour te rappeler ce que c'était quand tu jouais, puis de voir que la rondelle était plus grosse que la tête de tes joueurs dans ce temps-là, puis que, tu sais, ça avait pas vraiment de bon sens la manière que c'était fait, mais dans ce temps-là, je veux dire, c'était quand même beau. Puis regarder aujourd'hui les NHL, que c'est presque du photoréalisme, tu reviens rapidement au nouveau, tu sais, parce que je trouve que les compagnies, mais tu sais, puis regarde, ça c'est un débat qu'on préfère pendant des heures, mais je trouve que les compagnies se forcent tellement à aller de l'avant que je trouve, je suis comme, ben ça me tente pas de revenir en arrière, comme pour faire, ah ok, j'ai fini, tu sais, comme Steve là, il a essayé, je parle beaucoup de lui finalement, hein, en tout cas, il a recommencé à jouer à Zelda, il a commencé parce qu'il avait jamais joué à Zelda, puis je regarde ça puis je suis comme, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te fais ça? Tu te fais mal. Non, mais pas tant que ça. Mais je me dis, crime, il me semble qu'il y a tellement de nouveaux jeux à essayer que je sais pas. Même, tu sais, c'est ça. Quand j'ai dit à Steve dernièrement que l'Atari, mon père, il l'avait encore, il avait le goût de se péter à la tête de ses murs. Puis il était comme, crime, on va chercher ça. Mais je suis même pas intéressée parce que je vais le brancher. Je vais faire comme, ouais, OK. Je vais jouer une minute et demie. Puis je vais tellement trouver ça laid que ça me tente trop pas, tu sais, finalement. Fait qu'il est dans sa boîte, on sait qu'on l'a, c'est cool, mais j'ai pas d'intérêt pour vraiment. Peut-être que ça va me pogner un jour quand je vais vieillir, là, que je vais vouloir justement montrer à mes enfants à quoi on jouait dans le temps, mais en même temps, j'ai tellement l'impression qu'on va être rendu ailleurs puis loin que je vois pas vraiment l'intérêt que je vais avoir à ce moment-là, mais on verra. Je ferme pas la porte complètement, mais pour l'instant, j'ai pas cet intérêt-là, non. T'sais, la journée de ta retraite, quand tu auras juste ça à faire, jouer à des jeux vidéo, peut-être que ça t'intéressera sortir ça, parce qu'aujourd'hui, au nombre de temps que t'as, avec le temps limité qu'on a pour jouer à des jeux, t'essaies de jouer à des jeux récents que de retourner à des vieux jeux, t'sais. On a tous plein de jeux dans notre bibliothèque qu'on n'a même pas fini, tu sais. Non, puis j'en ai qui n'ont même pas ouvert, comme c'est là. C'est ça. Fait que m'en retourner jouer à un vieux jeu, mais pendant que tu fais ça, ton investissement de 60$ sur le jeu que tu viens de t'acheter, ben, il dort sur la tablette. Hein. Ouais, puis je trouve ça impressionnant quand je vois des bibliothèques de gens qui ont justement des vieux jeux. Je trouve ça cool d'avoir les consoles, tu sais, pour le look. Mais comme je te dis, moi, ce serait tellement inutile comme investissement d'argent d'avoir ça parce que je voudrais pas y jouer, tu sais. Ouais. Si c'est pour le look, moi, je tomberais sur une pile d'argent inutile que vraiment tu me dis achète de quoi juste pour le look, là. Ben, c'est ça, j'achèterais parce que je trouve ça beau. Puis ça me représente bien, mais ça représente pour moi mon passé, tu sais. Ouais. Ça représente ça, j'ai joué à ça, tu sais. Je leur montrerai à mes enfants, là. Ça, j'ai joué, là, à cette console-là, cette console-là, cette console-là, mais on est rendu là. Tu sais, ouais, je veux dire, c'est ça. Tu sais, je te montrais une image sur YouTube pendant 2 secondes, puis tu vas voir comment c'est laid, puis tu vas comprendre. Là, on parle de jeux récents, on tombe dans la PS3, qui est ta console préférée, là, fétiche. Là. Ouais. T'as eu une Xbox 360, tu l'as pas gardée, je pense? Ou nostalgie. C'était une autre, t'avais une 360? Oui, fais-moi pas mal. Mais okay. Oui, j'avais une Xbox 360 et pour vrai, je sais pas quelle ballonne nous a pognés. À un moment donné, moi pis Steve, quand on a acheté notre PlayStation 3, à un moment donné, en tout cas, je sais pas pourquoi, à un moment donné, on s'est regardé pis on a dit « Hey, on va vendre notre Xbox, tu sais, on joue plus vraiment avec. Mm-hmm. » Puis ça, la ballonne, on a affiché sûrement vraiment, vraiment pas cher sur Kijiji, puis genre le surlendemain, on vendait notre Xbox, puis on a vendu tous nos jeux. Je pense qu'on avait 30 jeux avec. Je pense qu'il a vendu ça 250$. Je veux dire, okay. Le gars, il devait rire, le solide. Tu sais, on n'a pas pensé, on l'a vendu. Puis tout de suite après, pas longtemps après, il y a eu la Kinect qui est sortie. Pas que je voulais absolument avoir la Kinect, mais il y avait des exclusivités Xbox qui ont sorti pas longtemps après qu'on l'ait vendue. Puis on se tape encore la tête sur les murs parce qu'on se dit Caroline qu'on est niaiseux, tu sais. Ça changeait quoi qu'on l'ait, celle-là, tu sais. On jouait pas avec, mais Christy, on l'avait au moins, tu sais. S'il y avait de quoi vraiment qui nous intéressait, qui sortait. Puis là, on dirait, depuis qu'on fait ça, tu sais, que ce soit Tony Hawk's Pro HD qui ouais. est sorti. Là, il est sorti juste sur Xbox, puis je suis comme... À chaque fois qu'il y a de quoi, je suis comme, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui nous a pris ce jour-là? Puis c'est vrai que dans le fond, on jouait presque plus avec. Mais Christy, je l'aurais acheté là. Puis peut-être que j'aurais même pas acheté là-dessus. Parce que j'aime trop jouer sur PlayStation. Mais ouais, je l'aurais sûrement acheté là-dessus. Je sais pas pourquoi je dis ça, parce que j'ai trop hâte d'y jouer. Là. T'aurais voulu l'avoir en premier. Ouais, c'est sûr. C'est vraiment mon genre. Là. Fait que non, c'est sûr, je l'aurais acheté là. Mais non, je m'ennuie de l'avoir. Je dis pas qu'un jour je l'aurai pas encore. Pour justement des exclusivités. T'sais, à un moment donné, ça va devenir sûrement un prix ridicule. Puis c'est de plus en plus ridicule un Xbox finalement. Fait que ouais, ça sera peut-être quelque chose que j'aurai, mais tu sais, on avait quand même une bonne collection de jeux là à ce moment-là. Là, on avait, parce qu'avant, c'est ça, on a eu peut-être eu pendant un an et demi, on a juste eu un Xbox. Fait que un an et demi avec un couple de gamers, ça te remplit une bibliothèque assez. Ça va vite, ouais. Ouais, ça va assez vite. Puis après ça, ben on a eu une PlayStation comme ça, une ballonne encore là, qu'il y avait des exclusivités sur PlayStation qu'on pouvait pas jouer. Fait qu'à ce moment-là, ben on a acheté la PlayStation, puis on a vendu l'autre. Fait qu'aucune logique, là, finalement. Là. fait que c'est ça. Mais j'ai commencé avec Xbox, là, qu'on a commencé à y jouer beaucoup plus. Là. C'était Xbox 360, là, que je suis des consoles actuelles. Là. Mm-hmm. Ça a été ça. Fait que Xbox, ouais, ça a été fou. Puis après, ça a été le PlayStation que je joue encore à presque tous les jours. Là. Ben, c'est ça. C'est avec ça que tu fais la plupart de tes critiques à Monsieur Net, puis... Oui, pas mal toutes. Toutes mes critiques, dans le fond, j'ai fait avec ça. J'ai fait un peu de Vita l'année passée, que j'en ferai plus cette année. T'as acheté la Vita aussi, oui, tu l'as. Est en cours d'achat, mais okay. Non, je ne l'ai pas encore. Mais, okay, okay. Parce que j'attends d'avoir un deal avec des jeux qui vont avoir de l'allure, là, tu sais. Puis le pire, c'est que je veux la Vita avec grand espoir que beaucoup plus de jeux vont sortir prochainement. Parce que je suis un peu déçue de ce qui sort, là, en réalité. Ça fait dur, présentement. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis même eux, ils le disent, là, sur une nouvelle que j'avais lue, là, qu'ils disent que ça va pas super bien, là, leur nouvelle, ça va pas super bien. Puis, leur jeu, c'est-à-dire qu'ils sortent, ça va pas super bien. Mais, puis qu'ils ont de la misère aussi avec les compagnies qui veulent pas produire de jeux pour Vita, là, mais en tout cas, on va souhaiter que ça change. Mais j'ai espoir quand même, puis j'aime tellement le côté compatibilité entre les deux que j'espère tellement que ça va donner quelque chose de le fun, puis que ça fonctionnerait bien, que je garde espoir que ça fonctionne, fait que c'est pour ça que je veux vraiment avoir une Vita Plus, j'ai eu un Nintendo DS aussi, mais là, c'est ma fille qui joue avec. Mais ça, je pense qu'on est tous de même, les parents. Là. Bon, oui, à un moment donné, c'est ça. Les enfants apprennent vite à jouer avec ça, puis ça développe aussi les réflexes, puis tout ça. Mon gars, il a sa DS depuis qu'il a, je pense, ça, 4 ans à peu près. Là. C'est quand même fou, ça. Puis il l'a encore. Il a 6 ans, puis il a marché encore, puis il l'a encore. Fait que, puis il joue encore. Puis il ne monte pas d'autre chose tout de suite. Non, mon gars, il joue à DS, il joue à Xbox. Mon gars, il a tout joué. Là, il joue à Mario Party 9, ça à Xbox, puis ça à Xbox, ça à Wii. Puis ouais, il joue à Cars, un jeu de Cars sur Xbox. Il a joué avec nous autres au Lego Star Wars, puis au Lego Indiana Jones. Puis, c'est hot, ça. Il a fini presque Lego Indiana Jones tout seul. Il a joué avec sa mère, ils ont fait le jeu au complet, puis là, il le refait tout seul, même si tous les succès sont débarrés, puis tout, mais il le rejoue tout au complet. Là, fait que moi, l'histoire de moi puis mon père, ça va être toi puis ton gars dans quelques années. Là. Ouais, c'est à peu près ça. Là. Mon gars, il joue à peu près à tout, là, bien vite. Puis même déjà, il a déjà décidé quel jeu qu'il voulait. Il nous avait fait acheter Disney Universe parce que ça ressemblait un peu à Lego Star Wars. Enfin, okay. Fait que acheter Lego Disney Universe, puis on l'a fini avec lui, puis tout. Fait que c'est tu vois, ça vient des gamers assez rapidement. Ouais, ben je pense qu'ils n'ont pas le choix. Mais j'imagine, tu sais, par exemple, je regarde ma soeur qui n'a aucun intérêt. Je pense que s'il n'y aurait pas d'intérêt, il n'y en aurait juste pas aussi, tu sais. Ouais, ouais. Mais je pense que c'est immanquable que ma fille va y jouer, puis mon gars, tu sais, en plus, on est deux, nous autres, là. Je veux dire, on est assez dans l'univers, tu sais, là. Ouais. Mais quand même. Puis un gars, ça reste un gars. Oui. Normalement, c'est rare qu'ils n'ont pas une manette dans leurs mains à un moment donné dans leur vie. C'est sûr. Fait que, OK, PS3. On va passer aux questions génériques que je demande. Je ne sais pas s'il y en a qui ne sont pas capables de répondre. Il y en a qui sont capables de répondre parce que ce n'est pas passer des questions compliquées. C'est juste qu'il n'y a rien qui te vient à l'idée. Là. Mm-hmm. Le pire jeu que tu as joué à vie, ça serait quoi? Tu t'en rappelles-tu? Ça, je te dirais que c'est le plus dur parce que, tu sais, moi, j'ai dans la tête que les pires jeux, souvent, je sais avant de les acheter que j'aimerais pas ça, tu sais. Okay. Fait que souvent, je vais faire comme, bon, ça a l'air mauvais, j'achèterai pas. Mais j'ai quand même, je pense que les pires affaires que j'ai jouées depuis cette année que j'ai essayé, c'est des... Moi, j'ai la console Wii aussi chez nous, que j'ai joué à peu près un mois et demi, là, comme tout le monde. Non, je niaise, mais j'ai pas embarqué vraiment dans la Wii. Mais j'ai dû tester... NBA 12, ouais, pour sur la Wii. Hein. Ouais. Moi, des jeux de réaliste, de jeux de sport, sur Wii, regarde, ça a été pénible, là, essayer ça, là, vraiment, là, ils ont vraiment pas compris comment ça fonctionne. Et pourtant, je me disais, de tous les jeux de sport, NBA devrait quand même être faisable sur Wii parce que le mouvement, je l'expliquais un peu dans ma critique de Monsieur Net, mais le mouvement pour lancer un ballon de basketball, tu sais, avec une manette, tu peux le faire assez facilement, là, tu sais, tu donnes le swing par en haut, là, on s'entend. Ouais. Mais c'était pas ça pantoute, tu sais, il fallait comme swinguer de bas en haut, puis en tout cas, c'était vraiment pas. C'était pas intuitif. Non, vraiment pas intuitif. Là, il y avait rien d'intuitif là-dedans. Les passes, c'était bizarre. Il y avait trop de contrôle de boutons, finalement. Il avait vraiment pas compris comment ça fonctionnait. Ça, moi, je trouve ça pénible. Quand il essaie de faire un jeu réaliste avec une console qui est pas faite pour l'être, parce qu'on sentait que la Wii, c'est vraiment plus dirigé, ben OK, je vais me faire pitcher des rushs par max encore, mais plus bonhomme, plus... moi, je le vois de même, en tout cas. Là, moi, je le vois par des petits jeux... tu sais, moi, je vois pas d'hardcore gamer sur le Wii, comme que je vois pas d'hardcore gamer sur la Wii U. Peut-être que je vais me tromper, ouais. Mais je pense pas... Je l'aurai pas, là, la Wii U, à moins qu'ils me surprennent, mais qu'ils me sortent de quoi de malade dans la tête, parce que moi, je suis vraiment plus jeu réaliste. Puis cette console-là, c'est exit pour moi complètement parce que c'est vraiment pas pour moi. Il y a rien de réaliste. Je vois pas qu'il soit capable de vraiment d'amener de quoi super réaliste avec des contrôles intuitifs avec une manette comme ça. Je le vois pas. Okay. Peut-être que si je trippais sur des jeux d'épée ou tu sais des choses comme ça, je peux comprendre, mais je trippe pas là-dessus non plus. Fait que jeux de sport, ils viendront jamais me chercher. En tout cas, je pense pas. Si oui, là, je garde. Ça me fera plaisir de dire que je me suis trompée, mais présentement, je vois pas. Fait que moi, je te dirais que des jeux de sport sur oui, c'est très très très pénible. Mm-hmm. Ça serait ça mon choix. Fait que ton pire, ça serait le NBA que t'as essayé sur la Wii. Ouais, ben récent, comme je te dis, parce que les autres, ça me vient pas, mais ça serait ça, ouais. Puis ton top jeu qui gagnerait la palme de tous les temps pour toi, ça serait quoi? De tous les temps, encore là, comme je te dis, je suis dans les récents, parce que si C'est je beau. recule, je trouve ça moins hot, mais ce serait Heavy Rain. OK. Mais ouais, ça, là, c'est malade dans la tête. J'adore Heavy Rain. J'ai fait d'ailleurs découvrir le jeu Heavy Rain à ma sœur, qui n'est pas une gamer, qui a terminé le jeu. OK. Que ça, c'est juste ça, là. C'est un exploit. C'est un. Garde, tu peux même pas réaliser que je braillais. Non, non, c'est pas vrai, là. Mais quasiment. Tu sais, c'est vraiment. Pour ma sœur, c'est big d'avoir fini un jeu. Elle a embarqué. C'est calme, mais c'est interactif à fond. Je veux dire, le personnage, tu contrôles tous ses mouvements. C'est un suspense incroyable, l'histoire. T'embarques de A à Z et il y a 18 fins possibles à ce jeu-là. Juste de penser que tes mouvements vont vraiment changer quelque chose, là. Tu sais, tes actions vont vraiment changer le cours de l'histoire. C'est exactement ça. Là, je suis en train d'y jouer une deuxième fois. J'ai hâte de voir. C'est rare que je fais ça d'ailleurs, que je termine complètement un jeu que je vais y rejouer, parce que souvent je suis juste contente, je le mets dans ma bibliothèque, puis il reste là. Mais vu qu'il y a 18 fins possibles, je veux vraiment le tester et prendre des décisions complètement différentes de ce que j'ai fait pour voir jusqu'où ça va m'amener. Mais je trouve ça incroyable, cette compagnie-là. Me fait triper. Eux autres, ils vont sortir aussi Beyond Two Souls, qui va sortir prochainement. C'est la compagnie. Évidemment, là, ça me vient pas. Attends, on va dire ça dans une seconde. Mais ça a été vraiment ma découverte là, quand je suis tombée là-dessus. Puis le pire, c'est que je me l'étais fait prêter par Jean-François, qui était sur Geekbécois. Et Quantic Dream, c'est ça. C'est eux autres qui ont fait Quantic ça. Dreams. Ouais, OK. Puis là, ben là, j'ai vu justement le Beyond Two Souls qui va sortir. Mais c'est ça, c'est Jean-François qui me l'avait prêté et j'en avais entendu parler plus ou moins et je l'ai essayé puis j'ai embarqué, je te dis, dans 3 premières minutes, j'étais embarqué ben raide puis je l'ai fini super rapidement. J'ai embarqué là-dedans, là, j'ai embarqué dans l'histoire au bout, j'en ai quasiment pas dormi, j'ai adoré ça. Puis c'est ça, Beyond Two Souls devrait sortir, je sais pas si ça va être cette année, je me croise les doigts pour que ce soit cette année. Puis c'est Ellen Page qui fait qui est le personnage principal, mais en fait, c'est pas elle, mais ils ont fait tous les captures avec elle. Puis c'est elle qui fait la voix aussi. Mais ça a l'air incroyable. Ça a l'air d'une autre histoire aussi, aussi intéressante, aussi interactive aussi. Moi, c'est ce côté-là vraiment. Puis de nous amener dans un autre univers, on dirait, c'est vraiment ça, c'est un film. C'est incroyable. Pour les gens qui l'ont pas essayé, il faut vraiment, vraiment essayer ça. Puis je l'ai acheté dernièrement après l'avoir fini, j'avais fini, puis je l'ai acheté. Maintenant, il est comme à 20$, c'est une joke, là, pour un jeu. Tu sais, c'est une expérience complètement différente. Si t'es habitué à des shooters, ouais, c'est vraiment pas ça, là. Tu sais, c'est vraiment complètement autre chose, ou à des MMO, whatever, là, tu sors vraiment. Sauf que, justement, je trouve que c'est le premier jeu qui me sort vraiment complètement dans ma zone de confort, mais qui m'a embarqué aussi fort dans l'univers, parce que c'est complètement d'autres choses. Puis moi, je suis une fille qui a le goût de découvrir, tu sais, j'ai le goût d'encourager des équipes comme ça qui te sortent complètement de l'univers du jeu vidéo. À la limite, tu sais plus si c'est un jeu ou c'est un film. Ça, là, regarde, go for it, là, amenez-moi-en autant que vous voulez. Je vais embarquer au bout, puis j'attends impatiemment Beyond Two Souls. J'ai hâte de voir. J'espère qu'ils me décevront pas, mais je penserai pas. Ouais, on verra. Si ils font un peu la même recette qu'ils ont faite avec celui que tu parles là, Heavy avec Rain. Heavy Rain, tu sais, j'avais déjà oublié le nom. Avec Heavy Rain, puis qui te donne une nouvelle histoire, puis quelque chose qui t'embarque dedans, ça va juste être bon, là. En plus, ils vont avoir raffiné les contrôles, puis ces choses-là. Fait que ça peut être bon. Puis tu vois, Heavy Rain, puis je parlais des jeux qui m'intéressent moins. Heavy Rain, après l'avoir terminé, je m'étais renseignée sur Quantic Dream. Puis il avait sorti un jeu en 2005, c'était Fahrenheit, qui était un jeu un peu dans le même concept, là. Dans le fond, ils ont commencé avec Fahrenheit, qui avait eu quand même un bon succès. Puis après ça, ils ont sorti Heavy Rain en 2010, mais 5 ans après, avec beaucoup, beaucoup d'améliorations, là. Mais Fahrenheit, j'ai essayé d'y jouer après parce que j'adore le concept de Quantic Dream. Puis je me suis dit, je vais adorer ça. Mais encore là, j'ai tellement trouvé ça pas beau, les graphismes, là. J'ai débarqué là, après 15 minutes. J'ai fait comme, ah oh, ouais, ça a l'air d'être la même affaire, le concept est bon. Et les contrôles n'étaient pas aussi hot qu'ils sont dans Heavy Rain. Ouais. Fait qu'on dirait que j'ai fait comme, ok, ouais, tu vois qu'ils ont comment. Il aurait fallu vraiment qu'en 2005, j'essaie Fahrenheit, j'aurais sûrement capoté ben raide, puis j'aurais suivi avec Heavy Rain, mais en faisant l'inverse, j'ai pas été capable. Là, c'est plus le cas. C'est ça. Là, quel jeu que t'attends avec impatience dans le temps qui s'en dans ce qui s'en vient? Ben, beaucoup quand même, avec le E3, autant qu'il était vraiment poche cette année. Comme l'année passée. Ouais, c'est ça. C'était pas grosse affaire. Mais Beyond Two Souls, ça, j'attends ça. Watch Dog aussi, j'attends ça. NHL 13, quelle surprise, je l'attends. Tu l'as sûrement précommandé. Non, même pas. Non, mais non. Ah. Ben, en tout cas, je suis pas une fille qui précommande tant que ça. Mais c'est sûr que je vais peut-être même le critiquer à Monsieur Net, là, si c'est comme l'an passé. Là. Ça me surprendrait pas. Ouais, c'est ça. Fait que si je le critique, je vais l'avoir pas mal avant tout le monde. Mais sinon, je vais l'acheter à sa sortie. Là. Je sais pas pourquoi je précommande pas. Mais souvent, ils offrent des affaires de plus. Puis à NHL, c'est tout le temps des affaires pour jouer avec ton Ultimate Team. Puis Ultimate Team, c'est des affaires d'achat de cartes puis ainsi de suite. Ah, okay. Sinon, tu peux ne pas acheter de cartes, mais c'est complètement interminable avant d'avoir une équipe qui a de l'allure. Fait que ça, j'embarque pas, puis je veux pas les encourager. Fait que c'est une des raisons pourquoi je précommande pas, justement, parce que je veux pas encourager leur côté sombre. C'est ça, exactement, The Dark Side of EA, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Je veux pas les encourager là-dedans. Fait que c'est pour ça que je le fais pas, que je l'achète pas. Okay. Mais sinon, Watch Dogs, ça a l'air malade dans la tête. Et GTA V, moi, ça, là, s'il vous plaît, sortez ça bientôt. Mais bon, d'après moi, ça va être juste l'an prochain. Je pense pas que ça va sortir cette année parce qu'ils n'ont pas assez fait de... Ils en ont pas parlé au E3, puis j'imagine que ça va être celui qui va faire un méga boom. Là. Ouais. On a vu des images, là, mais c'est trop minime, je pense. On n'a pas vu de gameplay vraiment. On a vu des petits teasers, mais c'est tout. Fait que pour moi, ça sortira pas avant l'année prochaine. Sinon, je serais vraiment surprise. Mais je l'attends vraiment parce que moi, la franchise GTA, là, j'adore ça. Ce côté-là de sandbox, là, j'embarque bien gros. Mais je suis une fille qui aime faire les histoires, par exemple. Tu sais, il y a des gens qui vont se promener pendant 3h30 dans la ville avant d'aller à la prochaine mission. Là. Pas moi. Moi, je veux le finir, le jeu. Tu sais, je veux voir... quand je sais qu'il faut que j'aille chercher... je m'en fous, là, mais d'aller chercher ma blonde qui est pognée dans... Ma blonde, Dans le jeu. Ouais. D'aller la chercher qui est pognée sur un bateau à l'autre bout, une bout, je dis n'importe quoi, mais je vais aller la chercher, pauvre petite, là, pognée, tu sais. Je me promènerai pas avec 8 chars, puis je vais crasher 160 personnes, puis me sauver de la police 3 fois, mais aller la chercher, à matin. Ouais, fait que moi, je veux finir. Puis après ça, quand je vais l'avoir fini, là, je vais m'amuser. Mais ça, c'est quelque chose que Steve fait, qu'il va passer 8h30 à juste se promener, puis à essayer de trouver un jump pour faire jumper l'auto. Puis une fois qu'il a fait jumper l'auto, puis qu'il l'a crashé comme faut, il va chercher une moto pour refaire le jump sur le... Non, là, moi, je n'embarque pas. Mais je le regarde faire et je ris beaucoup, par exemple, avec les conneries qu'il fait. Mais ça, je suis un bon public pour des sandbox, mais je ne jouerai pas sandbox pendant 8h30. T'sais. OK, ouais, je te comprends. Fait que c'est les jeux, vraiment, j'attends. Là, je te dirais que Beyond Two Souls, c'est mon numéro 1 que j'attends. Quand? Ah, ben parfait. Beaucoup d'attentes. Ah, on va voir ce que ça va donner. Yes. Fait que Lynn, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Ça n'a pas fait trop mal. Ben non, pas tout, c'est crème. C'est moins pire qu'accoucher. Oh, il n'y a pas grand-chose de pire qu'accoucher, je pense. Non, c'est ça. Ah, tu le sais? Non, mais non, j'étais pas loin quand c'est arrivé, mais je peux imaginer. Ouais, c'est ça. Non, ouais. C'est vraiment le fun. Puis pour vrai, je l'ai dit, j'adore le concept. Puis je pense qu'il n'y a vraiment pas grand gamer qui aimerait pas ça participer à une histoire de gamer parce qu'on a tout un côté qu'on aime parler de notre histoire, puis de savoir que ça va être enregistré puis gardé, c'est cool, tu sais, de pouvoir dire que j'ai conté un peu de mon histoire, de ma passion aussi, là, avec toi, qui est très bon animateur aussi, fait que merci. C'est vraiment le chèque est dans mal. Le chèque est dans mal. Ah, ben, je laisse faire, mais aller te le porter, ça va être plus vite. C'est ça, j'allais dire, on va faire moitié chemin, ça va aller plus vite. Mais non, j'adore ça pour vrai, puis J'espère que ça va continuer. Puis quand j'ai su que CJUAP arrêtait, je souhaitais, ben tu sais, c'est correct parce que, comme on dit au début, ça prend beaucoup de temps, mais de savoir qu'au moins Histoire de Gamer va continuer parce que le concept est incroyable, puis je pense que ça peut durer encore longtemps. Mais merci beaucoup. Ouais, c'est supposé durer encore un petit bout. Tant que j'aurai des invités, ça va continuer. Ouais, pas inquiète, tu vas en trouver pas mal. Fait que si les gens veulent te rejoindre, comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? Ils peuvent t'entendre sur le podcast de Geekbécois, ils peuvent te lire sur Web et Mascara, ils peuvent te voir à Monsieur Net. Ils peuvent m'appeler au 457. Non. ils peuvent aussi me rejoindre sur Twitter, c'est @lynbou_com. Mon Dieu, je me trompe dans mon Twitter. Ah oui, il te manquait un bout. Mais oui, il me manque un petit bout. À partir, en tout cas, du 24, le 24 août, je serai de retour à Monsieur Net. Et pour le reste, ben, c'est ça. Vous pouvez me suivre pas mal sur sur Twitter, j'écris assez pas mal. Je pense que je suis rendu à 10 000 tweets. Là, fait que vous devriez avoir de mes nouvelles très souvent là-dessus. Et pour le reste, ben, c'est ça. Juste me suivre sur les sites où j'écris et à la télé. Parfait. Ben, merci beaucoup, Lynn, d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, Luc. C'est vraiment cool. Ben, puis on va se croiser à un moment donné parce qu'on reste dans le même village. C'est ça. On se voit à l'épicerie. C'est ça. Merci, Lynn. Bye, Luc. Bye.